Tom Pouce par Jacob et Wilhelm Grimm. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Caroline Sophie. Tom Pouce par Jacob et Wilhelm Grimm. Un pauvre laboureur était assis un soir au coin de son feu pendant que sa femme filait à côté de lui. Il disait: c'est un grand chagrin pour nous de ne pas avoir d'enfants. Quel silence chez nous, tandis que chez les autres, tout est si gai et si bruyant. Oui, répondit sa femme en soupirant, dussions-nous n'en avoir qu'un seul, pas plus gros que le pouce, je m'en contenterais, et nous l'aimerions de tout notre cœur. La femme, sur ces entrefaites, devint souffrante, et, au bout de 7 mois, elle mit au monde un enfant bien constitué dans tous ses membres, mais qui n'avait qu'un pouce de haut. Elle dit, le voilà tel que nous l'avons souhaité, il n'en sera pas moins notre cher fils. Et à cause de sa taille, ses parents le nommèrent Tom Pouce. Ils le nourrirent aussi bien que possible, mais il ne grandit pas et resta tel qu'il avait été à sa naissance. Cependant, il paraissait avoir de l'esprit, ses yeux étaient intelligents, et il montra bientôt dans sa petite personne de l'adresse et de l'activité pour mener à bien ce qu'il entreprenait. Le paysan s'apprêtait un jour à aller abattre du bois dans la forêt, et il se disait à lui-même, « Je voudrais bien avoir quelqu'un pour conduire ma charrette. »« Père !» s'écria Tom Pouce. « Je vais la conduire, moi. Soyez tranquille, elle arrivera à temps. » L'homme se mit à rire. « Cela ne se peut pas, » dit-il. « Tu es bien trop petit pour conduire le cheval par la bride. »« Ça ne fait rien, père. » Si maman veut atteler, je me mettrai dans l'oreille du cheval et je lui crierai où il faudra qu'il aille. « Eh bien, répondit le père, essayons. » La mère attela le cheval et mit Tom Pouce dans son oreille et le petit Tom lui cria le chemin qu'il fallait prendre. « Hu, dia !» Si bien que le cheval marcha comme s'il avait eu un vrai charretier et la charrette fut menée au bois par la bonne route. Pendant que l'équipage tournait au coin d'une haie et que le petit Tom criait « dia, dia !» Il passa par là 2 étrangers. « Grand Dieu !» s'écria l'un d'eux. « Qu'est-ce cela ? Voilà une charrette qui marche, on entend la voix du charretier, et on ne voit personne. »« Il y a quelque chose de louche là-dessous, » dit l'autre. « Il faut suivre cette charrette et voir où elle s'arrêtera. » Elle continua sa route et s'arrêta dans la forêt, juste à la place où il y avait du bois abattu. Quand Tom Pouce aperçut son père, il lui cria. « Vois-tu, père, que j'ai bien mené la charrette ? « Maintenant, fais-moi descendre. » Le père, saisissant la bride d'une main, prit de l'autre son fils dans l'oreille du cheval et le déposa par terre. Le petit s'assit joyeusement sur un fétu. Les 2 étrangers, en apercevant Tom Pouce, ne savaient que penser, tant ils étaient étonnés. L'un d'eux prit l'autre à part et lui dit « Ce petit drôle pourrait faire notre fortune si nous le faisions voir pour de l'argent dans quelque ville. » « Il faut l'acheter !» Ils allèrent trouver le paysan et lui dirent « Vendez-nous ce petit nain, nous en aurons bien soin. »« Non, » répondit le père, « c'est mon enfant. Il n'est pas à vendre pour tout l'or du monde. » Mais Tom Pouce, en entendant la conversation, avait grimpé dans les plis des vêtements de son père. Il lui monta jusque sur l'épaule et de là lui souffla dans l'oreille « Père, livrez-moi à ces gens-là. Je serai bientôt de retour. » Son père le donna donc aux 2 hommes pour une belle pièce d'or. « Où veux-tu te mettre ? » lui dirent-ils. « Ah, mettez-moi sur le bord de votre chapeau, je pourrai me promener et voir du paysage, et j'aurai bien soin de ne pas tomber. » Ils firent comme ils voulaient, et quand Tom Pouce eut dit adieu à son père, ils s'en allèrent avec lui et marchèrent ainsi jusqu'au soir. Alors le petit homme leur cria « Arrêtez, j'ai besoin de descendre !» « Reste sur mon chapeau, » dit l'homme qui le portait. « Peu m'importe ce que tu feras. Les oiseaux m'en font plus d'une fois autant. »« Non pas, non pas !» dit Tom Pouce. « Mettez-moi en bas bien vite. » L'homme le prit et le posa par terre. Dans un champ près de la route, il courut un instant parmi les mottes de terre et tout d'un coup, il se plongea dans un trou de souris qu'il avait cherché exprès. « Bonsoir, messieurs. Partez sans moi !» leur cria-t-il en riant. Ils voulurent le rattraper en fourrageant le trou de souris avec des baguettes, mais ce fut peine perdue. Tom s'enfonçait toujours plus avant, et la nuit étant tout à fait venue, ils furent obligés de rentrer chez eux en colère et les mains vides. Quand ils furent loin, Tom Pouce sortit de son souterrain. Il craignit de se risquer de nuit en plein champ, car une jambe est bientôt cassée. Heureusement, il rencontra une coque vide de limaçon. « Dieu soit loué, » dit-il, « je passerai ma nuit en sûreté là-dedans. » Et il s'y établit. Comme il allait s'endormir, il entendit deux hommes qui passaient, et l'un disait à l'autre « Comment nous y prendrions-nous pour voler à ce riche curé tout son or et son argent ?»« Je vous le dirai bien !» leur cria Tom Pouce. « Qu'a-t-il ? » s'écria un des voleurs, effrayé. « J'ai entendu quelqu'un parler !» Ils restaient à écouter, quand Tom leur cria de nouveau « Prenez-moi avec vous, je vous aiderai !»« Où es-tu donc ?»« Cherchez par terre, du côté d'où vient la voix. » Les voleurs finirent par le trouver. « Petit extrait d'homme, » lui dirent-ils. « Comment veux-tu nous être utile ?»« Voyez, » répondit-il, « je me glisserai entre les barreaux de la fenêtre, dans la chambre du curé, et je vous passerai tout ce que vous voudrez. »« Eh bien, soit, » dirent-ils. « Nous allons te mettre à l'épreuve. » Quand ils furent arrivés au presbytère, Tom Pouce se glissa dans la chambre, puis il se mit à crier de toutes ses forces. « Voulez-vous tout ce qui est ici ?» Les voleurs effrayés lui dirent « Parle plus bas, tu vas réveiller la maison !» Mais faisant comme s'il ne les avait pas entendus, il cria de nouveau « Qu'est-ce que vous voulez ? Voulez-vous tout ce qui est ici ?» La servante, qui couchait dans la chambre à côté, entendit ce bruit, elle se leva sur son séant et prêta l'oreille. Les voleurs avaient battu en retraite, enfin ils reprirent courage, et croyant seulement que le petit drôle voulait s'amuser à leurs dépens, ils revinrent sur leurs pas et lui dirent tout bas « Plus de plaisanterie, passe-nous quelque chose !» Alors Tom se mit à crier encore du haut de sa tête « Je vais vous donner tout, tendez les mains !» Cette fois, la servante entendit bien clairement, elle sauta du lit et courut à la porte. Les voleurs, voyant cela, s'enfuirent comme si le diable eût été à leur trousse. La servante, n'entendant plus rien, alla allumer une chandelle. Quand elle revint, Tom Pouce, sans être vu, fut se cacher dans le grenier au foin. La servante, après avoir fureté dans tous les coins, sans rien découvrir, alla se remettre au lit et crut qu'elle avait rêvé. Tom Pouce était monté dans le foin et s'y était arrangé un joli petit lit. Il comptait s'y reposer jusqu'au jour et ensuite retourner chez ses parents. Mais il devait subir bien d'autres épreuves encore, tant on a de mal dans ce monde. La servante se leva dès l'aurore pour donner à manger au bétail. Sa première visite fut pour le grenier au fourrage, où elle prit une brassée de foin, avec le pauvre Tom endormi dedans. Il dormait si fort qu'il ne s'aperçut de rien et ne s'éveilla que dans la bouche d'une vache qu'il avait pris avec une poignée de foin. Il se crut d'abord tombé dans un moulin à foulon, mais il compta bientôt où il était réellement. Tout en évitant de se laisser broyer entre les dents, il finit par se glisser dans la gorge et dans la panse. L'appartement lui semblait étroit, sans fenêtre, et on n'y voyait ni soleil ni chandelle. Le séjour lui en déplaisait fort, et ce qui compliquait encore sa situation, c'est qu'il descendait toujours du nouveau foin et que l'espace devenait de plus en plus étroit. Enfin, dans sa terreur, Tom s'écria le plus haut qu'il put. « Plus de fourrage, plus de fourrage! Je n'en veux plus !» La servante était justement occupée en ce moment à traire la vache. Cette voix, qu'elle entendait sans voir personne, et qu'elle reconnaissait pour celle qui l'avait déjà éveillée pendant la nuit, l'effraya tellement qu'elle se jeta en bas de son tabouret en répandant son lait. Elle alla en toute hâte trouver son maître et lui cria « Ah, grand Dieu! Monsieur le curé, la vache qui parle !»« Tu es folle !» répondit le prêtre, et cependant il alla lui-même dans l'étable pour s'assurer de ce qui s'y passait. À peine y avait-il mis le pied que Tom Pouce s'écria de nouveau « Plus de fourrage! Je n'en veux plus !» La frayeur gagna le curé à son tour, et, s'imaginant qu'il y avait un diable dans le corps de la vache, il dit qu'il fallait la tuer. On la battit, et la panse, dans laquelle le pauvre Tom était prisonnier, fut jetée sur le fumier. Le petit eut grand-peine à se démêler de là, et il commençait à passer la tête dehors quand un nouveau malheur l'assaillit. Un loup, affamé, se jeta sur la panse de la vache et l'avala d'un seul coup. Tom Pouce ne perdit pas courage. « Peut-être, pensa-t-il, que ce loup sera traitable. » Et, de son ventre où il était enfermé, il lui cria. « Cher ami loup, je veux t'enseigner un bon repas à faire. » « Et où cela ?» dit le loup. « Dans telle et telle maison, tu n'as qu'à te glisser. Par l'égout de la cuisine, tu trouveras des gâteaux, du lard, des saucisses, à bouche que veux-tu. » Et il lui désigna très exactement la maison de son père. Le loup ne se le fit pas dire deux fois. Il s'introduisit dans la cuisine et s'en donna à cœur joie aux dépens des provisions. Mais quand il fut repu et qu'il fallut sortir, il était tellement gonflé de nourriture qu'il ne put venir à bout de repasser par l'égout. Tom, qui avait compté là-dessus, commença à faire un bruit terrible dans le corps du loup en sautant et en criant de toutes ses forces. « Veux-tu te tenir en repos ? » dit le loup. « Tu vas réveiller tout le monde. » « Eh bien quoi ? » répondit le petit homme. « Tu t'es régalé. Je veux m'amuser aussi, moi. » Et il se mit à crier tant qu'il pouvait. Il finit par réveiller ses parents, qui accoururent et regardèrent dans la cuisine à travers la serrure. Quand ils virent qu'il y avait un loup, ils s'armèrent, l'homme de sa hache et la femme d'une faux. « Reste derrière, » dit l'homme à sa femme quand ils entrèrent dans la chambre. « Je vais le frapper de ma hache, et si je ne le tue pas du coup, tu lui couperas le ventre. » Tom Pouce, qui entendait la voix de son père, se mit à crier. « C'est moi, cher père, je suis dans le ventre du loup. « Dieu merci !» dit le père, plein de joie. « Notre cher enfant est retrouvé !» Et il ordonna à sa femme de mettre la faux de côté pour ne pas blesser leur fils. Puis, levant sa hache, d'un coup sur la tête, il étendit mort le loup, et ensuite, avec un couteau et des ciseaux, il lui ouvrit le ventre et en tira le petit homme. « Ah ! » dit-il, « que nous avons été inquiets de ton sort !»« Oui, père, j'ai beaucoup couru le monde. Heureusement, me voici rendu à la lumière. » « Où as-tu donc été ?»« Ah, père, j'ai été dans un trou de souris, dans la panse d'une vache et dans le ventre d'un loup. Maintenant, je reste avec vous. Et nous ne te revendrions pas pour tout l'or du monde, » dirent ses parents en l'embrassant et en le serrant contre leur cœur. Ils lui donnèrent à manger et lui fit faire d'autres habits parce que les siens avaient été gâtés pendant son voyage. Fin de Tom Pouce par Jacob et Wilhelm Grimm. Le petit chaperon rouge par Charles Perrault. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Caroline Sophie. Le petit chaperon rouge par Charles Perrault. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa mère grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant fait des galettes, lui dit « Va voir comment se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand, qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup, qui eut bien envie de la manger. Mais il n'osa, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il était dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. » « Demeure-t-elle bien loin ?» lui dit le loup. « Oh oui ! » dit le petit chaperon rouge. « C'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, là-bas, à la première maison du village. »« Eh bien, » dit le loup, « je veux l'aller voir aussi. Je m'en vais par ce chemin-ci, et toi par ce chemin-là, et nous verrons à qui plus tôt y sera. » Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes,

Ils étaient si bien faits qu'il n'y avait pas un seul point de manqué. C'était un vrai chef-d'œuvre. Il entra dans la boutique un chaland, auquel ses souliers plurent tant qu'il les paya plus cher que de coutume, et qu'avec cet argent, le cordonnier put se procurer du cuir pour deux autres paires. Il le tailla le soir même et s'apprêtait à y travailler le lendemain matin, quand il les trouva tout faits à son réveil, et cette fois encore, les chalands ne manquèrent pas, et avec l'argent qu'il en tira, il put acheter du cuir pour quatre autres paires. Le lendemain matin, les quatre paires étaient prêtes, et enfin, tout ce qu'il taillait le soir était toujours terminé le matin suivant, de façon qu'il trouva l'aisance et devint presque riche. Un soir, aux environs de Noël, comme il venait de tailler son cuir et qu'il allait se coucher, il dit à sa femme « Si nous veillons cette nuit pour voir ceux qui nous aident ainsi. » La femme y consentit, et laissant une chandelle allumée, ils se cachèrent dans la garde-robe, derrière les vêtements accrochés, et attendirent. Quand minuit sonna, deux jolis petits nains tout nus entrèrent dans la chambre, se placèrent à l'établi du cordonnier, et, prenant le cuir taillé dans leurs petites mains, se mirent à piquer, à coudre, à battre avec tant d'adresse et de promptitude qu'on n'y pouvait rien comprendre. Ils travaillèrent sans relâche jusqu'à ce que l'ouvrage fût terminé, et alors ils disparurent tout d'un coup. Le lendemain, la femme dit « Ces petits nains nous ont enrichis. Il faut nous montrer reconnaissants. Ils doivent mourir de froid, à courir ainsi tout nus sans rien sur le corps. Sais-tu, je vais leur coudre à chacun chemise, habit, veste et culotte, et leur tricoter une paire de bas. Toi, fais-leur à chacun une paire de souliers. » L'homme approuva fort cet avis, et le soir, quand tout fut prêt, ils placèrent ses présents sur la table au lieu du cuir taillé, et se cachèrent encore pour voir comment les nains prendraient la chose. À minuit, ils arrivèrent, et ils allaient se mettre au travail, quand au lieu du cuir, ils trouvèrent sur la table les jolis petits vêtements. Ils témoignèrent d'abord un étonnement qui bientôt fit place à une grande joie. Ils passèrent vivement les habits et se mirent à chanter. « Ne sommes-nous pas de jolis garçons? Adieu, cuir, souliers et chaussons !» Puis ils commencèrent à danser et à sauter par-dessus les chaises et les bancs. Enfin, tout en dansant, ils gagnèrent la porte. À partir de ce moment, on ne les revit plus, mais le cordonnier continua d'être heureux le reste de ses jours, et tout ce qu'il entreprenait lui tournait à bien. Fin de Les Nains Magiques par Jacob et Wilhelm Grimm. Enregistré par Stanley. La princesse au petit pois par Hans Christian Andersen. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Annie Poirier. La princesse au petit pois par Hans Christian Andersen. Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une vraie princesse. Il fit le tour de la terre pour en trouver une, mais il y avait toujours quelque chose qui clochait. Des princesses, il n'en manquait pas, mais étaient-elles de vraies princesses? C'était difficile à apprécier.

et en même temps il se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher. Le chat ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il se jeta dessus et la mangea. Cependant, le roi, qui vit en passant le beau château de l'ogre, voulut entrer dedans. Le chat, qui entendit le bruit du carrosse qui passait sur le pont-levis, courut au-devant et dit au roi « Votre Majesté soit la bienvenue dans ce château de Monsieur le Marquis de Carabas. » « Comment, Monsieur le Marquis ? » s'écria le roi. « Ce château est encore à vous ? Il ne se peut rien de plus beau que cette cour et que tous ces bâtiments qui l'environnent. Voyons-les dedans, s'il vous plaît. » Le marquis donna la main à la jeune princesse, et suivant le roi qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour ses amis qui le devaient venir voir ce même jour-là, mais qui n'avaient pas osé entrer, sachant que le roi y était. Le roi, charmé des bonnes qualités de monsieur le marquis de Carabas, de même que sa fille qui en était folle, et voyant les grands biens qu'il possédait, lui dit, après avoir bu 5 ou 6 coups, « Il ne tiendra qu'à vous, monsieur le marquis, que vous ne soyez mon gendre. » Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi, et dès le même jour, il épousa la princesse. Le chat devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir. Fin de « Le maître chat ou le chat beauté » par Charles Perrault. Le renard et le chat par Jacob et Wilhelm Grimm. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Caroline Sophie. Le renard et le chat par Jacob et Wilhelm Grimm. Un jour, le chat rencontra Messire le renard au fond d'un bois, et comme il le connaissait pour un personnage adroit, expérimenté et fort en crédit dans le monde, il l'aborda avec une grande politesse. « Bonjour, monsieur le renard, lui dit-il, comment vous portez-vous? Êtes-vous content de vos affaires? Comment « faites-vous dans ce temps de disette ?» Le renard, tout gonflé d'orgueil, toisa de la tête aux pieds le pauvre chat et sembla se demander pendant quelques instants s'il daignerait l'honorer d'une réponse. Il s'y décida pourtant à la fin. « Pauvre hère que tu es » répliqua-t-il d'un ton de mépris. « Misérable meurt de faim, infime et ridicule chasseur de souris, d'où te vient aujourd'hui tant d'audace? Tu oses te faire l'honneur de me demander comment je me porte? Mais pour te permettre de me questionner, quelles sont donc les connaissances que tu possèdes? De combien d'art connais-tu les secrets ?» « Je n'en connais qu'un seul, » répondit le chat d'un air modeste et confus. « Et quel est cet art ? » demanda le renard avec arrogance. « Quand les chiens sont à ma poursuite, » repartit le chat, « je sais leur échapper en grimpant sur un arbre. »« Est-ce là tout ? » reprit le renard. « Moi ! Je suis passé docteur en 100 arts divers, mais ce n'est rien encore. Je possède en outre un sac tout rempli de ruses. En vérité, j'ai compassion de toi. Suis-moi, et je t'apprendrai comment on échappe aux chiens. » Comme il achevait ces mots, un chasseur, précédé de 4 dogues vigoureux, parut au bout du sentier. Le chat s'empressa de sauter sur un arbre et alla se fourrer dans les branches les plus touffues, si bien qu'il était entièrement caché. « Hâtez-vous de délier votre sac ! Hâtez-vous d'ouvrir votre sac ! » cria-t-il au renard. Mais déjà, les chiens s'étaient précipités sur ce dernier et le tenaient entre leurs crocs. Monsieur le renard !» cria de nouveau le chat. « Vous voilà bien embourbé avec vos centaures d'hiver. Si vous n'aviez su que grimper comme moi, vous seriez en ce moment un peu plus à votre aise. » Fin de Le renard et le chat par Jacob et Wilhelm Grimm. Le vilain petit canard par Hans Christian Andersen. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet. Le vilain petit canard par Hans Christian Andersen. Comme il faisait bon dans la campagne! C'était l'été. Les blés étaient dorés, l'avoine verte, les foins coupés embaumaient, ramassés en tas dans les prairies, et une cigogne marchait sur ses jambes rouges, si fines et si longues, et claquait du bec en égyptien. Sa mère lui avait appris cette langue-là. Au-delà, des champs et des prairies s'étendaient, puis la forêt aux grands arbres, aux lacs profonds. En plein soleil, un vieux château s'élevait entouré de fossés, et au pied des murs poussaient des bardanes aux larges feuilles, si hautes que les petits enfants pouvaient se tenir tout debout sous elles. L'endroit était aussi sauvage qu'une épaisse forêt, et c'est là qu'une canne s'était installée pour couver. Elle commençait à s'ennuyer beaucoup. C'était bien long et les visites étaient rares. Les autres canards préféraient nager dans les fossés plutôt que de s'installer sous les feuilles pour caqueter avec elles. Enfin, un œuf après l'autre craqua. Pip, pip, tous les jaunes d'œufs étaient vivants et sortaient la tête. « Coin, coin !» dit la canne. Et les petits se dégageaient de la coquille et regardaient de tous côtés sous les feuilles vertes. La mère les laissait ouvrir leurs yeux très grands, car le vert est bon pour les yeux. « Comme le monde est grand !» disaient les petits. Ils avaient bien sûr beaucoup plus de place que dans l'œuf. « Croyez-vous que c'est là tout le grand monde ?» dit leur mère. « Il s'étend bien loin, de l'autre côté du jardin, jusqu'au champ du pasteur. Mais je n'y suis jamais allée. »« Êtes-vous bien là, tous ?» Elle se dressa. « Non, le plus grand œuf est encore tout entier. Combien de temps va-t-il encore falloir couver? J'en ai par-dessus la tête. » Et elle se recoucha dessus. « Eh bien, comment ça va ?» demanda une vieille canne qui venait enfin rendre visite. « Ça dure et ça dure, avec ce dernier œuf qui ne veut pas se briser. Mais regardez les autres, je n'ai jamais vu des canetons plus ravissants. Ils ressemblent tous à leur père, ce coquin, qui ne vient même pas me voir. « Montre-moi cet œuf qui ne veut pas craquer, » dit la vieille. « C'est sans doute un œuf de dinde. J'y ai été prise moi aussi une fois, et j'ai eu bien du mal avec celui-là. Il avait peur de l'eau, et je ne pouvais pas obtenir qu'il y aille. J'avais beau courir et crier. « Fais-moi voir. » « Oui, c'est un œuf de dinde, sûrement. Laisse-le et apprends aux autres enfants à nager. » « Je veux tout de même le couver encore un peu, » dit la mère, « maintenant que j'y suis depuis longtemps. » « Fais comme tu veux, » dit la vieille, et elle s'en alla. Enfin, l'œuf se brisa. « Pip, pip !» dit le petit en roulant dehors. Il était si grand et si laid que la canne étonnée le regarda. « En voilà un énorme caneton, » dit-elle. « Aucun des autres ne lui ressemble. » « Et si c'était un dindonneau ?»« Eh bien, nous allons savoir ça au plus vite. » Le lendemain, il faisait un temps splendide. La canne avec toute la famille s'approcha du fossé. Plouf ! Elle sauta dans l'eau. « Coin, coin !» commanda-t-elle. Et les canetons plongèrent l'un après l'autre, même l'affreux gros gris. « Non, ce n'est pas un dindonneau !» s'exclama la mère. « Voyez comme il sait se servir de ses pattes et comme il se tient droit. C'est mon petit à moi. Il est même beau quand on le regarde bien. Coin, coin. Venez avec moi, je vous conduirai dans le monde et vous présenterai à la cour des canards. Mais tenez-vous toujours près de moi pour qu'on ne vous marche pas dessus. Et méfiez-vous du chat. » Ils arrivèrent à l'étang des canards où riait un effroyable vacarme. Deux familles se disputaient une tête d'anguille. Ce fut le chat qui l'attrapa. « Ainsi va le monde, » dit la canne en se pourléchant le bec. Elle aussi aurait volontiers mangé la tête d'anguille. « Jouez des pattes et tâchez de vous dépêcher et courbez le cou devant la vieille canne, là-bas. elle est la plus importante de nous tous. Elle est de sang espagnol, c'est pourquoi elle est si grosse. Vous voyez qu'elle a un chiffon rouge à la patte. C'est la plus haute distinction pour un canard. Cela signifie qu'on ne veut pas la manger et que chacun doit y prendre garde. Ne mettez pas les pattes en dedans. Un caneton bien élevé nage les pattes en dehors, comme père et mère. Maintenant, courbez le cou et faites « coin ». Les petits obéissaient, mais les canards autour d'eux les regardaient et s'exclamaient à haute voix. « Encore une famille de plus, comme si nous n'étions pas déjà assez. Et il y en a un vraiment affreux, celui-là nous n'en voulons pas. » Une canne se précipita sur lui et le mordit au cou. « Laissez-le tranquille, » dit la mère, « il ne fait de mal à personne. » « Non, mais il est trop grand et malvenu. Il a besoin d'être rossé. »« Elle a de beaux enfants, cette mère !» dit la vieille canne au chiffon rouge. « Tous beaux, à part celui-là. Il n'est guère réussi. Si on pouvait seulement recommencer, les enfants ratés. »« Ce n'est pas possible, votre grâce, » dit la mère des canetons. « Il n'est pas beau, mais il est très intelligent et il nage bien, aussi bien que les autres, mieux même. J'espère qu'en grandissant, il embellira et qu'avec le temps, il sera très présentable. » Elle lui arracha quelques plumes du cou, puis le lissa. Du reste, c'est un mâle, alors la beauté n'a pas tant d'importance. Les autres sont adorables, dit la vieille. Vous êtes chez vous, et si vous trouvez une tête d'anguille, vous pourrez me la porter. Cependant, le pauvre caneton, trop grand, trop laid, était la risée de tous. Les canards et même les poules le bousculaient. Le dindon, né avec des éperons, et qui se croyait un empereur, gonflait ses plumes comme des voiles. Il se précipitait sur lui en poussant des glouglous de colère. Le pauvre caneton ne savait où se fourrer. La fille de basse-cour lui donnait des coups de pied. Ses frères et sœurs, eux-mêmes, lui criaient « Si seulement le chat pouvait te prendre, phénomène !» Et sa mère « Si seulement tu étais bien loin d'ici !» C'en était trop. Le malheureux, d'un grand effort, s'envola par-dessus la haie. Les petits oiseaux dans les buissons se sauvaient à tire-d'aile. « Je suis si laid que je leur fais peur, » pensa-t-il en fermant les yeux. Il courut tout de même jusqu'au grand marais où vivaient les canards sauvages. Il tombait de fatigue et de chagrin et resta là toute la nuit. Au matin, les canards, en voyant ce nouveau camarade, s'écrièrent « Qu'est-ce que c'est que celui-là » Notre ami se tournait de droite et de gauche et saluait tant qu'il pouvait. « Tu es affreux, » lui dirent les canards sauvages. « Mais cela nous est bien égal, pourvu que tu n'épouses personne de notre famille. » Il ne songeait guère à se marier, le pauvre. Si seulement on lui permettait de coucher dans les roseaux et de boire l'eau du marais. Il resta là 2 jours. Vinrent 2 oies sauvages, 2 jars plutôt, car c'étaient des mâles. Il n'y avait pas longtemps qu'ils étaient sortis de l'œuf, et ils étaient très désinvoltes. « Écoute, camarade, » dirent-ils, « tu es laid, mais tu nous plais. » Veux-tu venir avec nous et devenir oiseau migrateur? Dans un marais à côté, il y a quelques charmantes oiselles sauvages, toutes demoiselles bien capables de dire « coin, coin !» Oui, oui. Et laid comme tu es, je parie que tu leur plairas. Au même instant, il entendit « pif !» « paf !» Les 2 jars tombèrent raides morts dans les roseaux. L'eau devint rouge de leur sang. Toute la troupe s'égaya et les fusils claquèrent de nouveau. Des chasseurs passaient. Ils cernèrent le marais, il y en avait même grimpé dans les arbres. Les chiens de chasse couraient dans la vase. Platch, platch. Les roseaux volaient de tous côtés. Le pauvre caneton, épouvanté, essayait de cacher sa tête sous son aile quand il vit un immense chien terrifiant, la langue pendante, les yeux étincelants. Son museau, ses dents pointues, étaient déjà prêts à le saisir quand, clap, il partit sans le toucher. « Oh, Dieu merci !» « Je suis si laid que même le chien ne veut pas me mordre. » Il se tint tout tranquille pendant que les plombs sifflaient et que les coups de fusil claquaient. Le calme ne revint qu'au milieu du jour, mais le pauvre n'osait pas se lever. Il attendit encore de longues heures. Puis, quittant le marais, il courut à travers les champs et les prés, malgré le vent qui l'empêchait presque d'avancer. Vers le soir, il atteignit une pauvre masure paysanne, si misérable qu'elle ne savait pas elle-même de quel côté elle avait envie de tomber, alors elle restait debout provisoirement. Le vent sifflait si fort qu'il fallait au caneton s'asseoir sur sa queue pour lui résister. Il s'aperçut tout à coup que l'un des gonds de la porte était arraché, ce qui laissait un petit espace au travers duquel il était possible de se glisser dans la cabane. c'est ce qu'il fit. Une vieille paysanne habitait là, avec son chat et sa poule. Le chat pouvait faire le gros dos et ronronner. Il jetait même des étincelles si on le caressait à rebrousse-poil. La poule avait les pattes toutes courtes, elle pondait bien, et la femme les aimait tous les deux comme ses enfants. Au matin, ils remarquèrent l'inconnu. Le chat fit « chum » et la poule fit « cote, cote, cote ». « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit la femme. Elle n'y voyait pas très clair et crut que c'était une grosse canne égarée. « Bonne affaire » pensa-t-elle. « Je vais avoir des œufs de canne, pourvu que ce ne soit pas un mâle. Nous verrons bien. » Le caneton resta à l'essai, mais on s'aperçut très vite qu'il ne pondait aucun œuf. Le chat était le maître de la maison et la poule la maîtresse. Il disait « Nous et le monde ». Il pensait bien en être la moitié du monde, et la meilleure. Le caneton était d'un autre avis, mais la poule ne supportait pas la contradiction. « Sais-tu pendre ?» demandait-elle. « Non. »« Alors tais-toi. » Et le chat disait « Sais-tu faire le gros dos ?» Ronronner ? Non. Alors n'aimez pas des opinions absurdes quand les gens raisonnables parlent. Le caneton, dans son coin, était de mauvaise humeur. Il avait une telle nostalgie d'air frais, de soleil, une telle envie de glisser sur l'eau. Il ne put s'empêcher d'en parler à la poule. Qu'est-ce qui te prend ? Répondit-elle. Tu n'as rien à faire, alors tu te montes la tête. Tu n'as qu'à pondre ou ronronner, et cela te passera. « C'est si délicieux de glisser sur l'eau, » dit le caneton, « si exquis quand elle vous passe par-dessus la tête et de plonger jusqu'au fond. »« En voilà un plaisir, » dit la poule, « tu es complètement fou. Demande au chat, qui est l'être le plus intelligent que je connaisse, s'il aime glisser sur l'eau ou plonger la tête dedans. Je ne parle même pas de moi. Demande à notre hôtesse, la vieille paysanne. Il n'y a pas plus intelligent. Crois-tu qu'elle a envie de nager et d'avoir de l'eau par-dessus la tête ?» « Vous ne me comprenez pas, » soupirait le caneton. « Alors, si nous ne te comprenons pas, qui est-ce qui te comprendra ? Tu ne vas tout de même pas croire que tu es plus malin que le chat ou la femme, ou moi-même. Remercie plutôt le ciel de ce qu'on a fait pour toi. N'es-tu pas là dans une chambre bien chaude avec des gens capables de t'apprendre quelque chose ? Mais tu n'es qu'un vaurien et il n'y a aucun plaisir à te fréquenter. Remarque que je te veux du bien. » Et si je te dis des choses désagréables, c'est que je suis ton ami. Essaie un peu de pondre ou de ronronner. Je crois que je vais me sauver dans le vaste monde, avoua le caneton. Eh bien, vas-y donc. Il s'en alla. L'automne vint. Les feuilles dans la forêt passèrent du jaune au brun. Le vent les faisait voler de tous côtés. L'air était froid, les nuages lourds de grêle et de neige. Dans les haies nues, les corbeaux croassaient « cré, cro, cra ». Oui, il y avait de quoi grelotter. Le pauvre caneton n'était guère heureux. Un soir, au soleil couchant, un grand vol d'oiseaux sortit des buissons. Jamais le caneton n'en avait vu de si beau, d'une blancheur si immaculée, avec de longs cous ondulants. Ils ouvraient leurs larges ailes et s'envolaient loin des contrées glacées vers le midi, vers les pays plus chauds, vers la mer ouverte. Il volait si haut que le caneton en fut impressionné. Il tournait sur l'eau comme une roue, tendait le cou vers le ciel. Il poussa un cri si étrange et si puissant que lui-même en fut effrayé. Jamais il ne pourrait oublier ces oiseaux merveilleux. Lorsqu'ils furent hors de sa vue, il plongea jusqu'au fond de l'eau, et quand il remonta à la surface, il était comme hors de lui-même. Il ne savait pas le nom de ces oiseaux, ni où ils s'envolaient, mais il les aimait comme il n'avait jamais aimé personne. Il ne les enviait pas. Comment aurait-il rêvé de leur ressembler ? L'hiver fut froid, terriblement froid. Il lui fallait nager constamment pour empêcher l'eau de geler autour de lui. Mais chaque nuit, le trou où il nageait devenait de plus en plus petit. La glace craquait, il avait beau remuer ses pattes, à la fin, épuisé, il resta pris dans la glace. Au matin, un paysan qui passait le vit. Il brisa la glace de son sabot et porta le caneton à la maison où sa femme le ranima. Les enfants voulaient jouer avec lui, mais lui croyait qu'il voulait lui faire du mal. Il s'élança droit dans la terrine de lait, éclaboussant toute la pièce. La femme criait et levait les bras au ciel. Alors il vola dans la baratte où était le beurre, et de là dans le tonneau à farine. La paysanne le poursuivait avec des pincettes, les enfants se bousculaient pour l'attraper, et il riait et il criait. Heureusement, la porte était ouverte. Il se précipita sous les buissons, dans la neige molle, et il y resta anéanti. Il serait trop triste de raconter tous les malheurs et les peines qu'il eût endurés en ce long hiver. Pourtant, un jour enfin, le soleil se leva, déjà chaud, et se mit à briller. C'était le printemps. Alors, soudain, il éleva ses ailes qui bruirent et le soulevèrent, et avant qu'il pût s'en rendre compte, il se trouva dans un grand jardin plein de pommiers en fleurs. Là, les lilas embaumaient et leurs longues branches vertes tombaient jusqu'au fossé. Comme il faisait bon et printanier! Et voilà que, devant lui, sortant des fourrés, trois superbes cygnes blancs s'avançaient. Ils ébouriffaient leurs plumes et nageaient si légèrement, et il reconnaissait les beaux oiseaux blancs. Une étrange mélancolie s'empara de lui. « Je vais voler jusqu'à eux et ils me battront à mort, moi si laid, d'avoir l'audace de les approcher. Mais tant pis, plutôt mourir par eux que pincé par les canards, piqué par les poules ou par les coups de pied des filles de basse-cour. » Il s'élança dans l'eau et nagea vers ces cygnes pleins de noblesse. À son étonnement, ceux-ci, en le voyant, se dirigèrent vers lui. « Tuez-moi, » dit le pauvre caneton en inclinant la tête vers la surface des eaux. Et il attendit la mort. Mais alors, qu'est-ce qu'il vit, se reflétant sous lui, dans l'eau claire? C'était sa propre image, non plus comme un vilain gros oiseau gris et lourdeau. Il était devenu un cygne. Car il n'y a aucune importance à être né parmi les canards, si on a été couvé dans un œuf de cygne. Il ne regrettait pas le temps des misères et des épreuves, puisqu'elles devaient le conduire vers un tel bonheur. Les grands cygnes blancs nageaient autour de lui, et le caressaient de leur bec. Quelques enfants approchaient, jetant du pain et des graines. Le plus petit s'écria « Oh, il y en a un nouveau !» Et tous les enfants de s'exclamer et de battre des mains et de danser en appelant père et mère, on lança du pain et des gâteaux dans l'eau. Tous disaient « Le nouveau est le plus beau, si jeune et si gracieux !» Les vieux cygnes s'inclinaient devant lui. Il était tout confus, notre petit canard, et cachait sa tête sous l'aile, il ne savait lui-même pourquoi. Il était trop heureux, pas du tout orgueilleux pourtant, car un grand cœur ne connaît pas l'orgueil. Il pensait combien il avait été pourchassé et haï alors qu'il était le même qu'aujourd'hui, où on le déclarait le plus beau de tous. Les lilas embaumaient dans la verdure, le chaud soleil étincelait. Alors il gonfla ses plumes, leva vers le ciel son col flexible, et de tout son cœur comblé, il cria « Aurais-je pu rêver semblable félicité quand je n'étais que le vilain petit canard ?» Fin de Le vilain petit canard par Hans Christian Andersen. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet. Cendrillon ou la petite pantoufle de verre par Charles Perrault. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Fanny R.W. Cendrillon ou la petite pantoufle de verre par Charles Perrault. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en seconde noce une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait deux filles de son humeur, et qui lui ressemblait en toutes choses. Le mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne du monde. Les noces ne furent pas plus tôt faites que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur. Elle ne put s'offrir les bonnes qualités de cette jeune enfant, qui rendait ses filles encore plus haïssables. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle et les montées, qui frottait la chambre de madame et celle de mesdemoiselles ses filles. Elle couchait tout au haut de la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres parquetées, où elles avaient des lits des plus à la mode et des miroirs où elles se voyaient depuis les pieds jusqu'à la tête. La pauvre fille souffrait tout avec patience et n'osait s'en plaindre à son père qui l'aurait grondée, parce que sa femme le gouvernait entièrement.

que je voie si elle ne me serait pas bonne. » Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle, ayant regardé attentivement Cendrillon et la trouvant fort belle, dit que cela était juste, et qu'il avait ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon, et approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu'elle y entrait sans peine, et qu'elle y était juste comme de cire. L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son pied. Là-dessus arriva la marraine, qui, ayant donné un coup de sa baguette sur les habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que tous les autres. Alors ses deux sœurs la reconnurent pour la belle personne qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elles lui avaient fait souffrir. Cendrillon les releva et leur dit, en les embrassant, qu'elle leur pardonnait de bon cœur et qu'elle les priait de l'aimer bien toujours. On la mena chez le jeune prince, parée comme elle était. Il la trouva encore plus belle que jamais, et peu de jours après, il l'épousa. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses deux sœurs au palais, et les maria dès le jour même à deux grands seigneurs de la cour. Fin de Cendrillon ou la petite pantoufle de verre, par Charles Perrault. Les coureurs de Hans Christian Andersen. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Caroline Sophie. Les coureurs de Hans Christian Andersen. Un prix, deux prix même, un premier et un second, furent un jour proposés pour ceux qui montreraient la plus grande vélocité. C'est le lièvre qui obtint le premier prix. « Justice m'a été rendue, » dit-il. « Du reste, j'avais assez de parents et d'amis parmi le jury, et j'étais sûr de mon affaire. Mais que le colimaçon ait reçu le second prix, cela, je trouve que c'est presque une offense pour moi. »« Du tout, » observa le poteau, qui avait figuré comme témoin lors de la délibération du jury. Il fallait aussi prendre en considération la persévérance et la bonne volonté. C'est ce qu'ont affirmé plusieurs personnes respectables, et j'ai bien compris que c'était équitable. Le colimaçon, il est vrai, a mis 6 mois pour se traîner de la porte au fond du jardin, et les autres 6 mois pour revenir jusqu'à la porte. Mais pour ses forces, c'est déjà une extrême rapidité. Aussi, dans sa précipitation, s'est-il rompu une corne en heurtant une racine. Toute l'année, il n'a pensé qu'à la course, et songez donc, il avait le poids de sa maison sur son dos. Tout cela méritait récompense, et voilà pourquoi on lui a donné le second prix. « On aurait bien pu m'admettre au concours, » interrompit l'hirondelle. « Je pense que personne ne fend l'air, ne vire, ne tourne avec autant d'agilité que moi. J'ai été au loin, à l'extrémité de la terre. Oui, je vole vite, vite, vite. » « Oui, mais c'est là votre malheur, » répliqua le poteau. Vous êtes trop vagabonde, toujours par monts et par veaux. Vous filez comme une flèche à l'étranger quand il commence à geler chez nous. Vous n'avez pas de patriotisme. Mais, dit l'hirondelle, si je me niche, pendant l'hiver, dans les roseaux des tourbières, pour y dormir comme la marmotte tout le temps froid, serais-je une autre fois admise à concourir? Oh, certainement, déclara le poteau, mais il vous faudra apporter une attestation de la vieille sorcière qui règne sur les tourbières, comme quoi vous aurez passé réellement l'hiver dans votre pays et non dans les pays chauds à l'étranger. J'aurais bien mérité le premier prix, et non le second, grommela le colimaçon. Je sais une chose, ce qui faisait courir le lièvre comme un dératé, c'est la pure couardise. Partout, il voit des ennemis et du danger. Moi, au contraire, j'ai choisi la course comme but de ma vie, et j'y ai gagné une cicatrice honorable. Si donc quelqu'un était digne du premier prix, c'était bien moi. Mais je ne sais pas me faire valoir, flatter les puissants. Écoutez, dit la vieille borne qui avait été membre du jury, les prix ont été adjugés avec équité et discernement. C'est que je procède toujours avec ordre et après mûre réflexion. Voilà déjà 7 fois que je fais partie du jury, mais ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai fait admettre mon avis par la majorité. Cependant, chaque fois je basais mon jugement sur des principes. Tenez, admirez mon système. Cette fois, comme nous étions le 12 du mois, j'ai suivi les lettres de l'alphabet depuis le A et j'ai compté jusqu'à 12. J'étais arrivée à L. C'était donc au lièvre que revenait le premier prix. Quant au second, j'ai recommencé mon petit manège et comme il était 3 heures au moment du vote, je me suis arrêtée au C et j'ai donné mon suffrage au colimaçon. La prochaine fois, si on maintient les dates fixées, ce sera le F qui remportera le premier prix et le D le second. En toute chose, il faut de la régularité et un point de départ fixe. « Je suis bien de votre avis, » dit le mulet, « et si je n'avais pas été parmi le jury, je me serais donné ma voix à moi-même. Car enfin, la vélocité n'est pas tout. Il y a encore d'autres qualités dont il faut tenir compte. Par exemple, la force musculaire qui me permet de porter un lourd fardeau tout en trottant d'un bon pas. Ce qui m'a surtout préoccupé, c'était de tenir compte de la beauté, qualité si essentielle. À mérite égal, m'étais-je dit, je donnerais le prix au plus beau. Or, qu'y a-t-il au monde de plus beau que les longues oreilles du lièvre, si mobiles, si flexibles? C'est un vrai plaisir que de les voir retomber jusqu'au milieu du dos. Il me semblait que je me revoyais telle que j'étais, au jour de ma plus tendre enfance. De cela, il n'était pas question, étant donné les concurrents. Je n'ai pas non plus pris en considération la prudence, la ruse du lièvre, son adresse. « Psst !» dit la mouche. « Permettez-moi une simple observation. Des lièvres, moi, qui vous parle, j'en ai rattrapé pas mal à la course. Je me place souvent sur la locomotive des trains. On y est à son aise pour juger de sa propre vélocité. Naguère, un jeune levrault, des plus ingambes, galopait en avant du train. J'arrive, et il est bien forcé de se jeter de côté et de me céder la place. » Mais il ne se gare pas assez vite, et la roue de la locomotive lui enlève l'oreille droite. Voilà ce que c'est que de vouloir lutter avec moi. Votre vainqueur, vous voyez bien comme je le battrais facilement. Mais je n'ai pas besoin de prix, moi. Il me semble cependant, pensa l'églantine, il me semble que c'est le rayon de soleil qui aurait mérité de recevoir le premier prix d'honneur, et aussi le second. En un clin d'œil, il fait l'immense trajet du soleil à la terre, et il y perd si peu de sa force que c'est lui qui anime toute la nature. C'est à lui que moi et les roses, mes sœurs, nous devons notre éclat et notre parfum. La haute et savante commission du jury ne paraît pas s'en être doutée. Si j'étais rayon de soleil, je leur lancerais un jet de chaleur qui les rendrait tout à fait fous. Mais je n'irai pas critiquer tout haut leur arrêt. Tu restes ? « Le rayon de soleil aura sa revanche. Il vivra plus longtemps que tous. »« En quoi consiste donc le premier prix ?» fit tout à coup le ver de terre. « Le vainqueur, répondit le mulet, a droit, sa vie durant, d'entrer librement dans un champ de choux et de s'y régaler à bouche que veux-tu. C'est moi qui ai proposé ce prix. J'avais bien deviné que ce serait le lièvre qui l'emporterait, et alors j'ai pensé tout de suite qu'il fallait une récompense qui lui fût de quelque utilité. Quant au colimaçon, il a le droit de rester tant que celui-là lui plaira sur cette belle haie et de se gorger d'aubépines, fleurs et feuilles. De plus, il est dorénavant membre du jury. C'est important pour nous d'avoir dans la commission quelqu'un qui, par expérience, connaisse les difficultés du concours. Et, à en juger d'après notre sagesse, certainement, l'histoire parlera de nous. Fin de « Les coureurs » par Hans Christian Andersen. Le petit pâtre par Jacob et Wilhelm Grimm. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Caroline Sophie. Le petit pâtre, par Jacob et Wilhelm Grimm. Un petit pâtre s'était rendu célèbre par la sagesse avec laquelle il répondait aux questions qui lui étaient adressées. Le bruit de sa réputation parvint jusqu'aux oreilles du roi, qui n'en voulut rien croire, fit venir le petit garçon et lui dit « Si tu parviens à répondre aux questions que je vais te poser, je te regarderai désormais comme mon fils, et tu habiteras près de moi dans mon palais. » Sire, quelles sont ces trois questions ? Demanda le jeune pâtre. Voici d'abord la première, reprit le roi. Combien de gouttes d'eau y a-t-il dans la mer ? Le petit pâtre répondit. Sire, commencez par faire boucher tous les fleuves et les rivières de la terre, de manière qu'il n'en coule plus une seule goutte dans la mer, jusqu'à ce que j'aie fait mon calcul. Alors je vous dirai combien la mer renferme de gouttes. Le roi reprit. Ma seconde question est celle-ci. Combien y a-t-il d'étoiles dans le ciel ? Le petit pâtre répondit. Sire, donnez-moi une grande feuille de papier blanc. Puis le jeune garçon fit avec une plume un si grand nombre de petits points serrés sur toute la surface du papier, et si fins qu'on les apercevait à peine, et qu'il était de toute impossibilité de les compter. Rien qu'à vouloir l'essayer, les yeux étaient éblouis. Cette besogne terminée, il dit au roi, « Il y a autant d'étoiles dans le ciel que de points sur cette feuille de papier. Daignez les compter. » Personne n'y put réussir. Le roi, prenant de nouveau la parole, « Ma troisième question a pour but de savoir combien de secondes se compose l'éternité. » Le jeune pâtre répondit. Au-delà de la Poméranie se trouve la montagne de diamants. Cette montagne a une lieue de hauteur, une lieue de largeur et une lieue de profondeur. Tous les 100 ans, un oiseau vient s'y poser, gratte la montagne avec son bec et enlève une parcelle de diamants. Quand il aura de la sorte fait disparaître le mont tout entier, la première seconde de l'éternité sera écoulée. Le roi repartit. Tu as répondu comme un sage à mes trois questions. Désormais, tu resteras près de moi, dans mon palais, et je te regarderai comme mon fils. Fin de Le Petit Pâtre par Jacob et Wilhelm Grimm. Les habits neufs du Grand-Duc par Hans Christian Andersen. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les habits neufs du Grand-Duc par Hans Christian Andersen. Il y avait autrefois un grand-duc qui aimait tant les habits neufs qu'il dépensait tout son argent à sa toilette. Lorsqu'il passait ses soldats en revue, lorsqu'il allait au spectacle ou à la promenade, il n'avait d'autre but que de montrer ses habits neufs. À chaque heure de la journée, il changeait de vêtements, et comme on dit d'un roi, il est au conseil, on disait de lui, le grand-duc est à sa garde-robe. La capitale était une ville bien gaie, grâce à la quantité d'étrangers qui passaient. Mais un jour, il y vint 2 fripons qui se donnèrent pour tisserands et déclarèrent savoir tisser la plus magnifique étoffe du monde. Non seulement les couleurs et le dessin étaient extraordinairement beaux, mais les vêtements confectionnés avec cette étoffe possédaient une qualité merveilleuse. Il devenait invisible pour toute personne qui ne savait pas bien exercer son emploi ou qui avait l'esprit trop borné. « Ce sont des habits impayables, » pensa le grand-duc. « Grâce à eux, je pourrai connaître les hommes incapables de mon gouvernement. Je saurai distinguer les habiles des niais. Oui, cette étoffe m'est indispensable. » Puis il avança aux 2 fripons une forte somme, afin qu'ils puissent commencer immédiatement leur travail. Ils dressèrent en effet 2 métiers, et firent semblant de travailler, quoiqu'il n'y eût absolument rien sur les bobines. Sans cesse, il demandait de la soie fine et de l'or magnifique. Mais ils mettaient tout cela dans leur sac, travaillant jusqu'au milieu de la nuit avec des métiers vides. « Il faut cependant que je sache où ils en sont, » se dit le grand-duc. Mais il se sentait le cœur serré en pensant que les personnes niaises ou incapables de remplir leurs fonctions ne pourraient voir l'étoffe. Ce n'était pas qu'il doutât de lui-même. Toutefois, il jugea à propos d'envoyer quelqu'un pour examiner le travail avant lui. Tous les habitants de la ville connaissaient la qualité merveilleuse de l'étoffe, et tous brûlaient d'impatience de savoir combien leurs voisins étaient bornés ou incapables. « Je vais envoyer au tisserand mon bon vieux ministre, » pensa le grand-duc. « C'est lui qui peut le mieux juger l'étoffe. Il se distingue autant par son esprit que par ses capacités. » L'honnête vieux ministre entra dans la salle où les deux imposteurs travaillaient avec les métiers vides. « Mon Dieu !» pensa-t-il en ouvrant de grands yeux. « Je ne vois rien. » Mais il n'en dit mot. Les deux tisserands l'invitèrent à s'approcher et lui demandèrent comment il trouvait le dessin et les couleurs. En même temps, ils montrèrent le métier, et le vieux ministre y fixa ses regards. Mais il ne vit rien, par la raison bien simple qu'il n'y avait rien. « Bon Dieu ! » pensa-t-il, « serais-je vraiment borné ? Il faut que personne ne s'en doute. Serais-je vraiment incapable ? Je n'ose avouer que l'étoffe est invisible pour moi. « Eh bien, qu'en dites-vous ? » dit l'un des tisserands. « C'est charmant, c'est tout à fait charmant, » répondit le ministre en mettant ses lunettes. « Ce dessin et ses couleurs, oui, je dirai au grand-duc que j'en suis très content. » « C'est heureux pour nous, » dirent les deux tisserands. Et ils se mirent à lui montrer des couleurs et des dessins imaginaires en leur donnant des noms. Le vieux ministre prêta la plus grande attention pour répéter au grand-duc toutes leurs explications. Les fripons demandaient toujours de l'argent, de la soie et de l'or. Il en fallait énormément pour ce tissu. Bien entendu qu'ils empochèrent le tout, le métier restait vide et ils travaillaient toujours. Quelque temps après, le grand-duc envoya un autre fonctionnaire honnête pour examiner l'étoffe et voir si elle s'achevait. Il arriva à ce nouveau député la même chose qu'au ministre. Il regardait toujours, mais ne voyait rien. « N'est-ce pas que le tissu est admirable ? » demandèrent les deux imposteurs en montrant et expliquant le superbe dessin et les belles couleurs qui n'existaient pas. « Cependant, je ne suis pas nié, » pensait l'homme. « C'est donc que je ne suis capable de remplir ma place ? C'est assez drôle, mais je prendrai bien garde de la perdre. » Puis, il fit l'éloge de l'étoffe et témoigna toute son admiration pour le choix des couleurs et le dessin. « C'est d'une magnificence incomparable, » dit-il au grand-duc, et toute la ville parla de cette étoffe extraordinaire. Enfin, le grand-duc lui-même voulut la voir pendant qu'elle était encore sur le métier. Accompagné d'une foule d'hommes choisis, parmi lesquels se trouvaient les deux honnêtes fonctionnaires, il se rendit auprès des adroits filous qui tissaient toujours, mais sans fil de soie et d'or, ni aucune espèce de fil. « N'est-ce pas que c'est magnifique ? » dirent les deux honnêtes fonctionnaires. « Le dessin et les couleurs sont dignes de votre Altesse. » Et ils montrèrent du doigt le métier vide, comme si les autres avaient pu y voir quelque chose. « Qu'est-ce donc ? » pensa le grand-duc. « Je ne vois rien. C'est terrible. Est-ce que je ne serai qu'un niais ? Est-ce que je serai incapable de gouverner ? Jamais rien ne pouvait arriver de plus malheureux. » Puis tout à coup il s'écria, « C'est magnifique ! J'en témoigne ici toute ma satisfaction. » Il hocha la tête d'un air content et regarda le métier sans oser dire la vérité. Toutes les gens de sa suite regardèrent de même, les uns après les autres, mais sans rien voir, et ils répétaient comme le grand-duc, « C'est magnifique !» ils lui conseillèrent même de revêtir cette nouvelle étoffe à la première grande procession. « C'est magnifique, c'est charmant, c'est admirable !» exclamaient toutes les bouches, et la satisfaction était générale. Les deux imposteurs furent décorés et reçurent le titre de gentilhomme tisserand. Toute la nuit qui précéda le jour de la procession, ils veillèrent et travaillèrent à la clarté des 16 bougies. La peine qu'ils se donnaient était visible à tout le monde. Enfin, ils firent semblant d'ôter l'étoffe du métier, couper dans l'air avec des grands ciseaux, cousir avec une aiguille sans fil. Après quoi, ils déclarèrent que le vêtement était achevé. Le grand-duc, suivi de ses aides de camp, alla examiner, et les filous, levant un bras en l'air comme s'ils tenaient quelque chose, dirent « Voici le pantalon, voici l'habit, voici le manteau. C'est légère, comme de la toile d'araignée. Il n'y a pas de danger que cela vous pèse sur le corps, et voilà surtout en quoi consiste la vertu de cette étoffe. » « Certainement, répondirent les aides de camp, mais ils ne voyaient rien, puisqu'il n'y avait rien. « Si votre Altesse daigne se déshabiller, dirent les fripons, nous lui essayerons les habits devant la grande glace. » Le grand-duc se déshabilla, et les fripons firent semblant de lui présenter une pièce après l'autre. Ils lui prirent le corps comme pour lui attacher quelque chose. Il se tourna et se retourna devant la glace. « Grand Dieu, que cela va bien! Quelle coupe élégante !» s'écrièrent tous les courtisans. « Quel dessin! Quelle couleur! Quel précieux costume !» Le grand maître des cérémonies entra. « Le dé, sous lequel votre Altesse doit assister à la procession, est à la porte, » dit-il. « Bien, je suis prêt, » répondit le grand-duc. « Je crois que je ne suis pas mal ainsi. » Et il se tourna encore une fois devant la glace pour bien regarder l'effet de sa splendeur. Les chambellans qui devaient porter la queue firent semblant de ramasser quelque chose par terre. Puis, ils élevèrent les mains, ne voulant pas convenir qu'ils ne voyaient rien du tout. Tandis que le grand-duc cheminait fièrement à la procession sous son dié magnifique, tous les hommes, dans la rue et aux fenêtres, s'écriaient « Quel superbe costume! Comme la queue en est gracieuse! Comme la coupe en est parfaite !» Nul ne voulait laisser voir qu'il ne voyait rien. Il aurait été déclaré niais ou incapable de remplir un emploi. Jamais les habits du grand-duc n'avaient excité une telle admiration. « Mais il me semble qu'il n'a pas de tout d'habits, » observa un petit enfant. « Seigneur Dieu, entendez la voix de l'innocence, » dit le père. Et bientôt, on chuchota dans la foule en répétant les paroles de l'enfant. « Il y a un enfant qui dit que le grand-duc n'a pas d'habit du tout. »« Il n'a pas du tout d'habit, » s'écria enfin tout le peuple. Le grand-duc en fut extrêmement mortifié, car il lui semblait qu'ils avaient raison. Cependant, sans perdre son sang-froid, il se raisonna et prit sa résolution. Quoi qu'il en soit, il faut que je reste jusqu'à la fin. Puis, il se redressa plus fièrement encore pour en imposer à son peuple, et les chambellans continuèrent à porter avec respect la queue qui n'existait pas. Fin de Les Habits Neufs du Grand-Duc par Hans Christian Andersen. La douce bouillie par Jacob et Wilhelm Grimm. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stanley. La douce bouillie par Jacob et Wilhelm Grimm. Une fille, pauvre mais vertueuse et craignant Dieu, vivait seule avec sa vieille mère. Leur misère, était devenue si grande qu'elle se voyait sur le point de mourir de faim. Dans cette extrémité, la pauvre fille, toujours confiante en Dieu, sortit de leur misérable cabane et pénétra dans le bois voisin. Elle ne tarda pas à rencontrer une vieille femme qui, devinant, c'était une fée, la détresse de la jeune fille, lui donna un petit pot, bien précieux vraiment. « Tu n'auras qu'à prononcer ces trois mots, » dit la vieille. « Petit pot cuit. Il se mettra aussitôt à te faire une douce et excellente bouillie de millet. Et quand tu auras dit, « Petit pot, arrête-toi », il s'arrêtera sur le champ. » La jeune fille s'empressa d'apporter à sa mère ce pot merveilleux. À partir de ce moment, l'indigence et la faim quittèrent leur humble cabane, et elles purent se régaler de bouillie tout à leur aise. Il arriva qu'un jour, la jeune fille dut aller faire une course hors du village. Pendant son absence, la mère eut faim et se hâta de dire « Petit pot, cuit !» Petit pot ne se le fit pas répéter, et la vieille eut bientôt mangé tout son sou. Alors la bonne femme voulut arrêter le zèle producteur du petit pot. Mais par malheur, elle ignorait les mots qu'il fallait prononcer pour cela. Maître Petit Pot continua donc de cuire, toujours plus et plus fort, si bien que la bouillie ne tarda plus à déborder du vase, puis à remplir la cuisine, puis à inonder la maison d'à côté, puis une autre, puis encore une autre, puis enfin toute la rue. Et du train dont il y allait, on eût dit qu'il voulait noyer le monde entier. Cela devenait d'autant plus effrayant que personne ne savait comment s'y prendre pour arrêter ce déluge. Heureusement qu'à la fin, comme il ne restait plus dans tout le village qu'une seule maison qui ne fût pas devenue la proie de la bouillie, la jeune fille revint et s'écria « Petit pot, arrête-toi !» Et aussitôt, Petit pot s'arrêta. Les habitants du village, qui désirèrent rentrer dans leur maison, n'en durent pas moins avaler beaucoup plus de bouillie qu'ils n'en voulaient. Ce conte prouve qu'on fait toujours mal ce qu'on ne sait qu'à demi. Fin de la douce bouillie par Jacob et Wilhelm Grimm. Enregistré par Stanley. Cinq dans une cosse de pois par Hans Christian Andersen. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Caroline Sophie. Cinq dans une cosse de pois par Hans Christian Andersen. Il y avait cinq petits pois dans une cosse. Ils étaient verts. La cosse était verte, ils croyaient que le monde entier était vert, et c'était bien vrai pour eux. La cosse poussait, les pois grandissaient, se conformant à la taille de leur appartement. Ils se tenaient droit dans le rang. Le soleil brillait et chauffait la cosse. La pluie l'éclaircissant, il y faisait tiède et agréable. Clair le jour, sombre la nuit comme il sied. Les pois devenaient toujours plus grands et plus réfléchis. Assis là en rang, il fallait bien qu'il s'occupe. « Me faudra-t-il toujours rester fixé ici ? » disaient-ils tous. « Pourvu que ce ne soit pas trop long, que je ne durcisse pas. N'y a-t-il pas, au dehors, quelque chose ? J'en ai comme un pressentiment. » Les semaines passèrent, les pois jaunirent, les cosses jaunirent. « Le monde entier jaunit ? » disaient-ils. « Et ça ? » Il pouvait le dire. Soudain, Il y eut une secousse sur la cosse. Quelqu'un l'arrachait et la mettait dans une poche de veste avec plusieurs autres cosses pleines. « On va ouvrir bientôt » pensaient-ils, et ils attendaient. « Je voudrais bien savoir lequel de nous arrivera le plus loin, » dit le plus petit pois. « Nous serons bientôt fixés. »« À la grâce de Dieu !» dit le plus gros. Crac ! Voilà la cosse déchirée, et tous les cinq roulèrent dehors, au gai soleil, dans la main d'un petit garçon qui les déclara bons pour son fusil de sureau. Et il en mit un tout de suite dans son fusil, et tira. « Me voilà parti dans le vaste monde !» cria le pois. « M'attrape, qui pourra ?» Et le voilà parti. « Moi, dit le second, je vole jusqu'au soleil. Voilà un pois qui me convient. » Et le voilà parti. « Je m'endors ou je tombe, » dirent les deux suivants. « Mais je roulerai sûrement encore. » Ils roulèrent, d'abord sur le parquet, avant d'être placés dans le fusil. « C'est nous qui irons le plus loin !»« Arrive que pourra !» dit le dernier lorsqu'il fut tiré dans l'espace. Il partit jusqu'à la vieille planche au-dessous de la fenêtre de la mansarde, juste dans une fente où il y avait de la mousse et de la terre molle. La mousse se referma sur lui et il resta là caché. Mais notre Seigneur ne l'oubliait pas. « Arrive que pourra !» répétait-il. Dans la mansarde habitait une pauvre femme qui, le jour, sortait pour nettoyer des poêles et même pour scier du bois à brûler et faire de gros ouvrages, car elle était forte et travailleuse, mais cela ne l'enrichissait guère. Dans la chambre, sa fillette restait couchée, toute mince et maigriotte. Elle gardait le lit depuis un an et semblait ne pouvoir ni vivre ni mourir. « Elle va rejoindre sa petite sœur, disait la femme. J'avais deux filles, et bien du mal à pourvoir à leurs besoins. Alors le bon Dieu a partagé avec moi. Il en a pris une auprès de lui, et maintenant je voudrais bien conserver l'autre. Mais il ne veut peut-être pas qu'elle reste séparée. Alors celle-ci va sans doute monter auprès de sa sœur. » Cependant, la petite fille malade restait là. Elle restait couchée, patiente et silencieuse tout le jour, tandis que sa mère était dehors pour gagner un peu d'argent. Un matin de bonne heure, au printemps, au moment où la mère allait partir à son travail, le soleil brillait gaiement à la petite fenêtre et sur le parquet. La petite fille malade regardait la vitre d'en bas. « Qu'est-ce que c'est donc que cette verdure qui pointe vers le carreau ? Ça remue au vent !» La mère alla vers la fenêtre et l'entr'ouvrit. « Tiens, dit-elle, c'est un petit pois qui a poussé là avec ses feuilles vertes. Comment est-il arrivé dans cette fente? Te voilà avec un petit jardin à regarder. » Le lit de la malade fut traîné plus près de la fenêtre pour qu'elle puisse voir le petit pois qui germait, et la mère partit à son travail. « Maman, je crois que je vais guérir, » dit la petite fille le soir à sa mère. « Le petit pois vient si bien, et moi, je vais sans doute me porter bien aussi, me lever et sortir au soleil. » « Je le voudrais bien, » dit la mère, mais elle ne le croyait pas. Cependant, elle mit un petit tuteur près du germe qui avait donné de joyeuses pensées à son enfant afin qu'il ne soit pas brisé par le vent, et elle attacha une ficelle à la planche d'un côté et en haut du chambranle de la fenêtre de l'autre pour que la tige eût un support pour s'appuyer et s'enrouler à mesure qu'elle le pousserait. Et c'est ce qu'elle fit. On la voyait s'allonger tous les jours. « Non, voilà qu'elle fleurit !» s'écria la femme un matin. Et elle-même se prit à espérer et même à croire que sa petite fille malade allait guérir. Il lui vint à l'esprit que dans les derniers temps, la petite lui avait parlé avec plus d'animation, que ces derniers matins, elle s'était assise dans son lit et avait regardé, les yeux rayonnants de plaisir, son petit potager d'un seul pois. La semaine suivante, elle put lever la malade pour la première fois et pendant plus d'une heure. Elle était assise au soleil, la fenêtre ouverte, et là, dehors, une fleur de pois rose était éclose. La petite fille pencha sa tête en avant et posa un baiser tout doucement sur les fins pétales. Ce jour-là fut un jour de fête.

Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, Les musiciens de la ville de Brême, par Jacob et Wilhelm Grimm, traduit par Frédéric Baudry. Un homme avait un âne qu'il avait servi fidèlement pendant de longues années, mais dont les forces étaient à bout, si bien qu'il devenait chaque jour plus impropre au travail. Le maître songeait à le dépouiller de sa peau, mais l'âne, s'apercevant que le vent soufflait du mauvais côté, s'échappa et prit la route de Brême. « Là, se disait-il, je pourrais devenir musicien de la ville. » Comme il avait marché quelque temps, il rencontra sur le chemin un chien de chasse qui jappait comme un animal fatigué d'une longue course. « Qu'as-tu donc à japper de la sorte, camarade ? » lui dit-il. « Oh ! » répondit le chien, « parce que je suis vieux, que je m'affaiblis tous les jours et que je ne peux plus aller à la chasse. Mon maître a voulu m'assommer, alors j'ai pris la clé des champs. Mais comment ferai-je pour gagner mon pain ?»« Eh bien, dit l'âne, je vais à Brême pour m'y faire musicien de la ville. Viens avec moi et fais-toi aussi recevoir dans la musique. Je jouerai du luth et toi tu sonneras les timbales. » Le chien accepta et ils suivirent leur route ensemble. À peu de distance, ils trouvèrent un chat couché sur le chemin et faisant une figure triste comme une pluie de 3 jours. « Qu'est-ce donc qui te chagrine, vieux frise-moustache ? » lui dit l'âne. « On n'est pas de bonne humeur quand on craint pour sa tête, » répondit le chat, « parce que j'avance en âge, que mes dents sont usées, et que j'aime mieux rester couché derrière le poêle et filer mon rouet que de courir après les souris. Ma maîtresse a voulu me noyer. Je me suis sauvé à temps, mais maintenant que faire et où aller ? » ?»« Viens avec nous à Brême. Tu t'entends fort bien à la musique nocturne. Tu te feras comme nous, musiciens de la ville. » Le chat goûta la vie et partit avec eux. Nos vagabonds passèrent bientôt devant une cour, sur la porte de laquelle était perché un coq qui criait du haut de sa tête. « Tu nous perces la moelle des os ? » dit l'âne. « Qu'as-tu donc à crier de la sorte ?»« J'ai annoncé le beau temps, » dit le coq, « car c'est aujourd'hui le jour où Notre-Dame a lavé les chemises de l'enfant Jésus et où elle doit les sécher. Mais comme demain dimanche on reçoit ici à dîner, la maîtresse du logis est sans pitié pour moi. Elle a dit à la cuisinière qu'elle me mangerait demain en potage, et ce soir il faudra me laisser couper le cou. Aussi criai-je de toute mon haleine pendant que je respire encore. » « Bon, dit l'âne, crête rouge que tu es, viens plutôt à Brême avec nous. Tu trouveras partout mieux que la mort, tout au moins. Tu as une bonne voix, et, quand nous ferons de la musique ensemble, notre concert aura une excellente façon. » Le coq trouva la proposition de son goût, et ils détalèrent tous les quatre ensemble. Ils ne pouvaient atteindre la ville de Brême le même jour. Ils arrivèrent le soir dans une forêt où ils comptaient passer la nuit. L'âne et le chien s'établirent sous un grand arbre, le chat et le coq y grimpèrent, et même le coq prit son vol pour aller se percher tout au haut, où il se trouverait plus en sûreté. Avant de s'endormir, comme il promenait son regard aux quatre vents, il lui sembla qu'il voyait dans le lointain une petite lumière. Il cria à ses compagnons qu'il devait y avoir une maison à peu de distance, puisqu'on apercevait une clarté. « S'il en est ainsi, dit l'âne, délogeons et marchons en hâte de ce côté, car cette auberge n'est nullement de mon goût. » Le chien ajouta, « En effet, quelques os avec un peu de viande ne me déplairaient pas. » Ils se dirigèrent donc vers le point d'où partait la lumière. Bientôt, ils la virent briller davantage et s'agrandir, jusqu'à ce qu'enfin ils arrivèrent en face d'une maison de brigands parfaitement éclairée. L'âne, comme le plus grand, s'approcha de la fenêtre et regarda en dedans du logis. « Que vois-tu là, grison ? » lui demanda le coq. « Ce que je vois, dit l'âne, une table chargée de mets et de boissons, et alentour des brigands qui s'en donnent à cœur joie. » « Ce serait bien notre affaire, dit le coq. « Oui, certes, reprit l'âne. Ah, si nous étions là !» Ils se mirent à rêver sur le moyen à prendre pour chasser les brigands. Enfin, ils se montrèrent. L'âne se dressa d'abord en posant ses pieds de devant sur la fenêtre. Le chien monta sur le dos de l'âne. Le chat grimpa sur le chien. Le coq prit son vol et se posa sur la tête du chat. Cela fait, ils commencèrent ensemble leur musique à un signal donné. L'âne se mit à braire, le chien à aboyer, le chat à miauler, Le coq a chanté, puis ils se précipitèrent par la fenêtre dans la chambre en enfonçant les carreaux qui volèrent en éclats. Les voleurs, en entendant cet effroyable bruit, se levèrent en sursaut, ne doutant point qu'un revenant n'entrât dans la salle, et se sauvèrent tout épouvantés dans la forêt. Alors les quatre compagnons s'assirent à table, s'arrangèrent de ce qui restait, et mangèrent comme s'ils avaient dû jeûner un mois. Quand les quatre instrumentistes eurent fini, ils éteignirent les lumières et cherchèrent un gîte pour se reposer, chacun selon sa nature et sa commodité. L'âne se coucha sur le fumier, le chien derrière la porte, le chat dans le foyer près de la cendre chaude, le coq sur une solive, et, comme ils étaient fatigués de leur longue marche, ils ne tardèrent pas à s'endormir. Après minuit, quand les voleurs aperçurent de loin qu'il n'y avait plus de clarté dans leur maison et que tout y paraissait tranquille, le capitaine dit « Nous n'aurions pas dû pourtant nous laisser ainsi mettre en déroute. » Et il ordonna à un de ses gens d'aller reconnaître ce qui se passait dans la maison. Celui qui l'envoyait trouva tout en repos. Il entra dans la cuisine et voulut allumer de la lumière. Il prit donc une allumette, et, comme les yeux brillants et enflammés du chat lui paraissaient deux charbons ardents, il en approcha l'allumette pour qu'elle prît feu. Mais le chat n'entendait pas raillerie. Il lui sauta au visage et l'égratigna en jurant. Saisi d'une horrible peur, l'homme courut vers la porte pour s'enfuir, mais le chien, qui était couché tout auprès, s'élança sur lui et le mordit à la jambe. Comme il passait dans la cour à côté du fumier, l'âne lui détacha une ruade violente avec ses pieds de derrière, tandis que le coq, réveillé par le bruit et déjà tout alerte, criait du haut de sa solive « Kikiriki !» Le voleur courut à toutes jambes vers son capitaine et dit « Il y a dans notre maison une affreuse sorcière qui a soufflé sur moi et m'a égratigné la figure avec ses longs doigts. Devant la porte est un homme armé d'un couteau dont il m'a piqué la jambe. Dans la cour se tient un monstre noir qui m'a assommé d'un coup de massue. Et au haut du toit est posé le juge qui criait « Amenez devant moi ce pendard !» Aussi me suis-je mis en devoir de m'esquiver. » Depuis lors, les brigands n'osèrent plus s'aventurer dans la maison, et les quatre musiciens de Brême s'y trouvèrent si bien qu'ils n'en voulurent plus sortir. Fin des Musiciens de la ville de Brême, par Jacob et Wilhelm Grimm, enregistré par Nadine Eckert-Boulet, en 2009, à Copenhague. Le stoïque soldat de plomb, par Hans Christian Andersen. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, Le stoïque soldat de plomb, par Hans Christian Andersen. Il y avait une fois 25 soldats de plomb, tous frères, tous nés d'une vieille cuillère de plomb. L'arme au bras, la tête droite, leur uniforme rouge et bleu n'était pas mal du tout. La première parole qu'ils entendirent en ce monde, lorsqu'on souleva le couvercle de la boîte, fut « Des soldats de plomb !» Et c'est un petit garçon qui poussa ce cri en tapant des mains. Il les avait reçus en cadeau pour son anniversaire, et tout de suite il les aligna sur la table. Les soldats se ressemblaient exactement. Un seul était un peu différent. Il n'avait qu'une jambe, ayant été fondu le dernier, quand il ne restait plus assez de plomb. Il se tenait cependant sur son unique jambe aussi fermement que les autres, et c'est à lui, justement, qu'arriva cette singulière histoire. Sur la table où l'enfant les avait alignés, il y avait beaucoup d'autres jouets, dont un joli château de carton qui frappait tout de suite le regard. À travers les petites fenêtres, on pouvait voir jusque dans l'intérieur du salon. Au dehors, de petits arbres entouraient un petit miroir figurant un lac sur lequel voguaient et se miraient des cygnes de cire. Tout l'ensemble était bien joli, mais le plus ravissant était une petite demoiselle debout sous le portail ouvert du château. Elle était également découpée dans du papier, mais portait une large jupe de fine batiste très claire, un étroit ruban bleu autour de ses épaules en guise d'écharpe, sur laquelle scintillait une paillette aussi grande que tout son visage. La petite demoiselle tenait les deux bras levés, car c'était une danseuse, et elle levait aussi une jambe en l'air, si haut que notre soldat ne la voyait même pas. Il crut que la petite danseuse n'avait qu'une jambe, comme lui-même. « Voilà une femme pour moi, » pensa-t-il. « Mais elle est de haute condition, elle habite un château, et moi je n'ai qu'une boîte dans laquelle nous sommes 25. Ce n'est guère un endroit digne d'elle. Cependant, tâchons de lier connaissance. » Il s'étendit de tout son long derrière une tabatière qui se trouvait sur la table. De là, il pouvait admirer à son aise l'exquise petite demoiselle qui continuait à se tenir debout sur une jambe sans perdre l'équilibre. Lorsque la soirée s'avança, tous les autres soldats réintégrèrent leur boîte, et les gens de la maison allèrent se coucher. Alors les jouets se mirent à jouer à la visite, à la guerre, au bal. Les soldats de plomb s'entrechoquaient bruyamment dans la boîte. Ils voulaient être de la fête, mais n'arrivaient pas à soulever le couvercle. Le casse-noisette faisait des culbutes et la craie batifolait sur l'ardoise. Au milieu de ce tapage, le canari s'éveilla et se mit à gazouiller, et cela en vers, s'il vous plaît. Les deux seuls à ne pas bouger de leur place étaient le soldat de plomb et la petite danseuse, elle toujours droite sur la pointe des pieds, les deux bras levés, lui bien ferme sur sa jambe unique. Pas un instant il ne la quittait des yeux. L'horloge sonna minuit. Alors, clac, le couvercle de la tabatière sauta. Il n'y avait pas le moindre brin de tabac dedans, c'était une attrape, mais seulement un petit diable noir. « Soldat de plomb, » dit le diablotin, « veux-tu bien mettre tes yeux dans ta poche ?» Mais le soldat de plomb fit semblant de ne pas entendre. « Attends voir seulement jusqu'à demain, » dit le diablotin. Le lendemain matin, quand les enfants se levèrent, le soldat fut placé sur la fenêtre. Tout à coup, par le fait du petit diable ou par suite d'un courant d'air, la fenêtre s'ouvrit brusquement, le soldat piqua, tête la première, du troisième étage. Quelle équipée ! Il atterrit la jambe en l'air, tête en bas, sur sa casquette, la baïonnette fichée entre les pavés. La servante et le petit garçon descendirent aussitôt pour le chercher. Il marchait presque dessus, mais ne le voyait pas. Bien sûr, si le soldat de plomb avait crié « Je suis là !» il l'aurait découvert. Mais lui ne trouvait pas convenable de crier très haut, puisqu'il était en uniforme. La pluie se mit à tomber de plus en plus fort, une vraie trombe. Quand elle fut passée, deux gamins des rues arrivèrent. « Dis donc, » dit l'un d'eux, « voilà un soldat de plomb, on va lui faire faire un voyage. » D'un journal, ils confectionnèrent un bateau, placèrent le soldat au beau milieu, et le voilà descendant le ruisseau, les deux garçons courant à côté et battant des mains. « Dieu, quelle vague dans ce ruisseau! Et quel courant !» Bien sûr, il avait plu à verse. Le bateau de papier montait et descendait et tournoyait sur lui-même à faire trembler le soldat de plomb. Mais il demeurait stoïque, sans broncher, et regardait droit devant lui, l'arme au bras. Soudain, le bateau entra sous une large planche couvrant le ruisseau. Il y faisait aussi sombre que s'il avait été dans sa boîte. « Où cela va-t-il me mener ? » pensa-t-il. C'est sûrement la faute du diable de la boîte. Hélas, si la petite demoiselle était seulement assise à côté de moi dans le bateau, j'accepterais bien qu'il y fît deux fois plus sombre. À ce moment surgit un gros rat d'égout qui habitait sous la planche. « Passeport ! » cria-t-il. « Montre ton passeport, vite !» Le soldat de plomb demeura muet. Il serra seulement un peu plus fort son fusil. Le bateau continuait sa course, et le rat lui courait après en grinçant des dents, et il criait aux épingles et aux brins de paille en dérive. « Arrêtez-le, arrêtez-le ! Il n'a pas payé de douane ni montré son passeport !» Mais le courant devenait de plus en plus fort. Déjà, le soldat de plomb apercevait la clarté du jour là où s'arrêtait la planche, mais il entendait aussi un grondement dont même un brave pouvait s'effrayer. Le ruisseau, au bout de la planche, se jetait droit dans un grand canal. C'était pour lui aussi dangereux que pour nous de descendre en bateau une longue chute d'eau. Il en était maintenant si près que rien ne pouvait l'arrêter. Le bateau fut projeté en avant, le pauvre soldat de plomb se tenait aussi raide qu'il le pouvait, personne ne pourrait plus tard lui reprocher d'avoir seulement cligné des yeux. L'esquif tournoya deux ou trois fois, s'emplit d'eau jusqu'au bord, il allait sombrer. Le soldat avait de l'eau jusqu'au cou et le bateau s'enfonçait toujours davantage, le papier s'amollissait de plus en plus, l'eau passa bientôt par-dessus la tête du navigateur. Alors, il pensa à la ravissante petite danseuse qu'il ne reverrait plus jamais, et à ses oreilles tinta la chanson « Tu es en grand danger, guerrier, tu vas souffrir la mâle mort. » Le papier se déchira, le soldat passa au travers, mais, au même instant, un gros poisson l'avala. Non, ce qu'il faisait sombre là-dedans, encore plus que sous la planche du ruisseau, et il était bien à l'étroit, notre soldat, mais toujours stoïque, il resta couché de tout son long, l'arme au bras. Le poisson s'agitait, des secousses effroyables le secouaient. Enfin, il demeura parfaitement tranquille, un éclair sembla le traverser. Puis, la lumière l'inonda d'un seul coup, et quelqu'un cria « Un soldat de plomb !» Le poisson avait été pêché, apporté au marché, vendu, monté à la cuisine, où la servante l'avait ouvert avec un grand couteau. Elle saisit entre deux doigts le soldat par le milieu du corps, et le porta au salon où tout le monde voulait voir un homme aussi remarquable qui avait voyagé dans le ventre d'un poisson. Mais lui n'était pas fier. On le posa sur la table. Comme le monde est petit, il se retrouvait dans le même salon où il avait été primitivement. Il revoyait les mêmes enfants, les mêmes jouets sur la table, le château avec l'exquise petite danseuse toujours debout sur une jambe et l'autre dressée en l'air. Elle aussi était stoïque. Le soldat en était tout ému. Il allait presque pleurer des larmes de plomb, mais cela ne se faisait pas. Il la regardait et elle le regardait, mais ils ne dirent rien. Soudain, un des petits garçons prit le soldat et le jeta dans le poêle sans aucun motif, sûrement encore sous l'influence du diable de la tabatière. Le soldat de plomb, tout ébloui, sentait en lui une chaleur effroyable. Était-ce le feu ou son grand amour? Il n'avait plus ses belles couleurs. Était-ce le voyage ou le chagrin? Il regardait la petite demoiselle, et elle le regardait. Il se sentait fondre, mais stoïque, il restait debout, l'arme au bras. Alors la porte s'ouvrit, le vent saisit la danseuse, et, telle une sylphide, elle s'envola directement dans le poêle près du soldat. Elle s'enflamma et disparut. Alors le soldat fondit, se réduisit en un petit tas, et lorsque la servante, le lendemain, vida les cendres, elle y trouva comme un petit cœur de plomb. De la danseuse, il ne restait rien que la paillette, toute noircie par le feu, noire comme du charbon. Fin du Stoïque soldat de plomb par Hans Christian Andersen. L'oiseau bleu par Madame d'Aulnoy. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. L'oiseau bleu par Madame d'Aulnoy. Il était une fois un roi fort riche en terres et en argent. Sa femme mourut, et il en fut inconsolable. Il s'enferma 8 jours entiers dans un petit cabinet, où il se cassait la tête contre les murs, tant il était affligé. Tous les sujets résolurent entre eux de l'aller voir, et de lui dire ce qu'il pourrait de plus propre à soulager sa tristesse. Les uns préparaient des discours graves et sérieux, d'autres d'agréables, et même de réjouissants. Mais cela ne faisait aucune impression sur son esprit. À peine entendait-il ce qu'on lui disait. Enfin, il se présenta devant lui une femme si couverte de crêpes noires, de voiles, de mantes, de longs habits de deuil, et qui pleurait et sanglotait si fort et si haut, qu'il en demeura surpris. Elle lui dit qu'elle n'entreprenait point comme les autres de diminuer sa douleur, qu'elle venait pour l'augmenter, parce que rien n'était plus juste que de pleurer une bonne femme. Que pour elle, qui avait eu le meilleur de tous les maris, elle faisait bien son compte de pleurer tant qu'il lui resterait des yeux à la tête. Là-dessus, elle redoubla ses cris, et le roi, à son exemple, se mit à pleurer. Il la reçut mieux que les autres. Il l'entretint des belles qualités de sa chère défunte, et elle renchérit sur celles de son cher défunt. Ils causèrent tant et tant qu'ils ne savaient plus que dire sur leur douleur. Quand la fine veuve vit la matière presque épuisée, elle leva un peu ses voiles, et le roi affligé se récréa la vue à regarder cette pauvre affligée qui tournait et retournait fort à propos deux grands yeux bleus bordés de longues paupières noires. Son teint était assez fleuri. Le roi la considéra avec beaucoup d'attention. peu à peu, il parla moins de sa femme. Puis il n'en parla plus du tout. La veuve disait qu'elle voulait toujours pleurer son mari. Le roi la pria de ne point immortaliser son chagrin. Pour conclusion, l'on fut tout étonné qu'il l'épousât, et que le noir se changeât en vert et en couleur de rose. Le roi n'avait eu qu'une fille de son premier mariage, qui passait pour la 8e merveille du monde. On la nommait Florine, parce qu'elle ressemblait à Flore, tant elle était fraîche, jeune et belle. Elle n'avait que 15 ans lorsque le roi se remaria. La nouvelle reine envoya quérir sa fille, qui avait été nourrie chez sa marraine, la fée Soucio. Mais elle n'en était ni plus gracieuse ni plus belle. Soucio y avait voulu travailler et n'avait rien gagné. Elle ne laissait pas de l'aimer chèrement. On l'appelait Truitonne, car son visage avait autant de taches de rousseur qu'une truite. Ses cheveux noirs étaient si gras et si crasseux que l'on n'y pouvait toucher, et sa peau jaune distillait de l'huile. La reine ne laissait pas de l'aimer à la folie, elle ne parlait que de la charmante Truitonne. Et comme Florine avait toutes sortes d'avantages au-dessus d'elle, la reine s'en désespérait. Elle cherchait tous les moyens possibles de la mettre mal auprès du roi. La princesse, qui était douce et spirituelle, tâchait de se mettre au-dessus de ce mauvais procédé. Le roi dit un jour à la reine que Florine et Truitonne étaient assez grandes pour être mariées, et que le premier prince qui viendrait à la cour, il fallait faire en sorte de lui en donner une des deux. « Je prétends, répliqua la reine, que ma fille soit la première établie. Elle est plus âgée que la vôtre, et comme elle est 1000 fois plus aimable, il n'y a pas à balancer là-dessus. » Le roi lui dit qu'il le voulait bien et qu'il l'en laissait la maîtresse. Après quelque temps, l'on apprit que le roi charmant devait arriver. Jamais prince n'a porté plus loin la magnificence. Son esprit et sa personne n'avaient rien qui ne répondît à son nom. Quand la reine sut ces nouvelles, elle employa tous les brodeurs, tous les tailleurs et tous les ouvriers à faire des ajustements à Truitonne. Elle pria le roi que Florine n'eût rien de neuf, et, ayant gagné ses femmes, elle lui fit voler tous ses habits, toutes ses coiffures et toutes ses pierreries le jour même que Charmant arriva. De sorte que, lorsqu'elle se voulut parer, elle ne trouva pas un ruban. Elle demeura donc avec une petite robe fort crasseuse, et sa honte était si grande qu'elle se mit dans le coin de la salle lorsque le roi Charmant arriva. La reine le reçut avec de grandes cérémonies. Elle lui présenta sa fille plus brillante que le soleil et plus laide par toutes ses parures qu'elle ne l'était ordinairement. Le roi en détourna les yeux. La reine voulait se persuader qu'elle lui plaisait trop et qu'il craignait de s'engager, de sorte qu'elle la faisait toujours mettre devant lui. Il demanda s'il n'y avait pas encore une autre princesse appelée Florine. « Oui, » dit Truitonne en la montrant avec le doigt. « La voilà qui se cache tant elle est malpropre en guenilles. » Mais Florine rougit et devint si belle, que le roi charmant demeura comme un homme ébloui. Il se leva promptement et fit une profonde révérence à la princesse. « Madame, » lui dit-il, « votre incomparable beauté vous part trop pour que vous ayez besoin d'aucun secours étranger. »« Seigneur, » répliqua-t-elle, « je vous avoue que je suis peu accoutumée à porter un habit aussi malpropre que l'est celui-ci, et vous m'auriez fait plaisir de ne vous pas apercevoir de moi. »« Il serait impossible, » s'écria Charmant, « qu'une si merveilleuse princesse pût être en quelque lieu et que l'on eût des yeux pour d'autres que pour elle. »« Ha ! » dit la reine irritée. « Je passe bien mon temps à vous entendre. Croyez-moi, seigneur, Florine est déjà assez coquette, elle n'a pas besoin qu'on lui dise tant de galanterie. » Le roi charmant démêla aussitôt les motifs qui faisaient ainsi parler la reine. Mais comme il n'était pas de condition à se contraindre, il laissa paraître toute son admiration pour Florine et l'entretint 3 heures de suite. La reine, au désespoir, et Truitonne, inconsolable de n'avoir pas la préférence sur la princesse, firent de grandes plaintes au roi et l'obligèrent de consentir que, pendant le séjour du roi charmant, l'on enfermerait Florine dans une tour où il ne se verrait point. En effet, aussitôt qu'elle fut retournée dans sa chambre, 4 hommes masqués la portèrent au haut de la tour et l'y laissèrent dans la dernière désolation, car elle vit bien que l'on en usait ainsi que pour l'empêcher de plaire au roi, qui lui plaisait déjà fort, et qu'elle aurait bien voulu pour époux. Comme il ne savait pas les violences que l'on venait de faire à la princesse, il attendait l'heure de la revoir avec impatience. Il voulut parler d'elle à ceux que le roi avait mis auprès de lui pour lui faire plus d'honneur. Mais par l'ordre de la reine, ils lui en dirent tout le mal qu'ils purent. Qu'elle était coquette, inégale, de méchante humeur, qu'elle tourmentait ses amis et ses domestiques, qu'on ne pouvait être plus malpropre, et qu'elle poussait si loin l'avarice qu'elle aimait mieux être habillée comme une petite bergère que d'acheter de riches étoffes de l'argent que lui donnait le roi son père. À tout ce détail, Charmant souffrait et se sentait des mouvements de colère qu'il avait bien de la peine à modérer. « Non, disait-il en lui-même, il est impossible que le ciel ait mis une âme si mal faite dans le chef-d'œuvre de la nature. Je conviens qu'elle n'était pas proprement mise quand je l'ai vue, mais la honte qu'elle en avait prouve assez qu'elle n'est point accoutumée à se voir ainsi. » Pendant ce temps, la princesse était couchée par terre dans le donjon de cette terrible tour, où les hommes masqués l'avaient emportée. « Je serais moins à plaindre, disait-elle, si l'on m'avait mise ici avant que j'eusse vu cet aimable roi. L'idée que j'en conserve ne peut servir qu'à augmenter mes peines. Je ne dois pas douter que c'est pour m'empêcher de le voir davantage que la reine me traite si cruellement. » Elle pleurait ensuite si amèrement que sa propre ennemie en aurait eu pitié si elle avait été témoin de ses douleurs. Lorsque Charmant put aller chez le roi et la reine, il se rendit dans leur appartement. Il espérait que Florine y serait. Il regardait de tous côtés pour la voir. Dès qu'il entendait entrer quelqu'un dans la chambre, il tournait la tête brusquement vers la porte. Il paraissait inquiet et chagrin. La malicieuse reine devinait assez ce qui se passait dans son âme, mais elle n'en faisait pas semblant. Elle ne lui parlait que de parties de plaisir. Il lui répondait tout de travers. Enfin, il demanda où était la princesse Florine. « Seigneur, lui dit fièrement la reine, le roi son père a défendu qu'elle sorte de chez elle jusqu'à ce que ma fille soit mariée. « Et quelle raison, répliqua le roi, peut-on avoir de tenir cette belle personne prisonnière ?»« Je l'ignore, dit la reine, et quand je le saurai, je pourrai me dispenser de vous le dire. » Le roi quitta promptement la reine. Sa présence lui causait trop de peine. Quand il fut revenu dans sa chambre, il dit à un jeune prince qui l'avait accompagné et qu'il aimait fort, de donner tout ce qu'on voudrait pour gagner quelqu'une des femmes de la princesse, afin qu'il pût lui parler un moment. Ce prince trouva aisément des dames du palais qui entrèrent dans la confidence. Il y en eut une qui l'assura que le soir même, Florine serait à une petite fenêtre basse qui répondait sur le jardin, et que par là, elle pourrait lui parler. Le prince, ravi d'avoir amené l'affaire jusque-là, courut faire sa cour au roi en lui annonçant l'heure du rendez-vous. Mais la mauvaise confidente ne manqua pas d'aller avertir la reine de ce qui se passait et de prendre ses ordres. Aussitôt, elle pensa qu'il fallait envoyer sa fille à la petite fenêtre. Elle l'instruisit bien, et Truitonne ne manqua rien, quoiqu'elle fût naturellement bête. La nuit était si noire qu'il aurait été impossible au roi de s'apercevoir de la tromperie qu'on lui faisait, de sorte qu'il s'approcha de la fenêtre avec des transports de joie inexprimables. Il dit à Truitonne tout ce qu'il aurait dit à Florine pour la persuader de sa passion. Truitonne, profitant de la conjoncture, lui dit qu'elle se trouvait la plus malheureuse personne du monde d'avoir une belle-mère si cruelle, et qu'elle aurait toujours à souffrir jusqu'à ce que sa fille fût mariée. Le roi l'assura que, si elle le voulait pour son époux, il serait ravi de partager avec elle sa couronne et son cœur. Là-dessus, il tira sa bague de son doigt, et la mettant à celui de Truitonne, il ajouta que c'était un gage éternel de sa foi, et qu'elle n'avait qu'à prendre l'heure pour partir en diligence. La reine, ayant su l'heureux succès de cette entrevue, elle s'en promit tout. En effet, le jour étant concerté, le roi vint la prendre dans une chaise volante, traînée par des grenouilles ailées. Un enchanteur de ses amis lui avait fait ce présent. La nuit était fort noire. Truitonne sortit mystérieusement par une petite porte, et le roi qui l'attendait la reçut entre ses bras et lui jura 100 fois une fidélité éternelle. Mais comme il n'était pas d'humeur à voler longtemps dans sa chaise volante sans épouser la princesse qu'il aimait, il lui demanda où elle voulait que les noces se fissent. Elle lui dit qu'elle avait pour marraine une fée qu'on nommait Soucio, qui était fort célèbre, qu'elle était d'avis d'aller à son château. Quoique le roi ne sût pas le chemin, il n'eut qu'à dire à ses grosses grenouilles de l'y conduire. elle connaissait la carte générale de l'univers, et en peu de temps, elles rendirent le roi et Truiton chez Soucio. Le château était si bien éclairé qu'en arrivant, le roi aurait connu son erreur si la princesse ne s'était soigneusement couverte de son voile. Elle demanda sa marraine, elle lui parla en particulier et lui conta comme quoi elle avait attrapé Charmant et qu'elle la priait de l'apaiser. « Ah, ma fille, dit la fée, la chose ne sera pas facile. Il aime trop Florine, je suis certaine qu'il va nous faire désespérer. » Cependant, le roi les attendait dans une salle dont les murs étaient de diamants si clairs et si nets qu'il vit au travers Soucio et Truiton causer ensemble. Il croyait rêver. « Quoi ? Disait-il. Ai-je été trahi ? Les démons ont-ils apporté cet ennemi de notre repos ? Vient-elle pour troubler mon mariage ? Ma chère Florine ne paraît point. Son père l'a peut-être suivie. » Il pensait mille choses qui commençaient à le désoler. Mais ce fut bien pis quand elles entrèrent dans la salle et que Soucio lui dit d'un ton absolu « Roi charmant, voici la princesse Truiton à laquelle vous avez donné votre foi. Elle est ma filleule et je souhaite que vous l'épousiez tout à l'heure. »« Moi ? » s'écria-t-il. « Moi, j'épouserai ce petit monstre ? Vous me croyez d'un naturel bien docile quand vous me faites de telles propositions. Sachez que je ne lui ai rien promis. Si elle dit autrement, elle en a... N'achevez pas !» interrompit Soucio. « Et ne soyez jamais assez hardi pour me manquer de respect. »« Je consens, répliqua le roi, de vous respecter autant qu'une fée est respectable, pourvu que vous me rendiez ma princesse. »« Est-ce que je ne la suis pas, parjure ? » dit Truiton en lui montrant sa bague. « À qui as-tu donné cet anneau pour gage de ta foi ? À qui as-tu parlé à la petite fenêtre si ce n'est à moi ?»« Comment donc ? » reprit-il. « J'ai été déçu et trompé ? » ?»« Non, non. » Je n'en serai point la dupe. Allons, allons, mes grenouilles, je veux partir tout à l'heure. Oh, ce n'est pas une chose en votre pouvoir si je n'y consens, dit Soucio. Elle le toucha, et ses pieds s'attachèrent au parquet comme si on les y avait cloués. Quand vous me lapideriez, lui dit le roi, quand vous m'écorcheriez, je ne serai point à une autre qu'à Florine. J'y suis résolu, et vous pouvez après cela user de votre pouvoir à votre gré. Soucio employa la douceur, les menaces, les promesses, les prières. Truiton pleura, cria, gémit, se fâcha, s'apaisa. Le roi ne disait pas un mot, et les regardant toutes deux avec l'air du monde le plus indigné, il ne répondait rien à tout leur verbiage. Il se passa ainsi 20 jours et 20 nuits, sans qu'elles cessassent de parler, sans manger, sans dormir et sans s'asseoir. Enfin, Soucio, à bout et fatigué, dit au roi « Eh bien, vous êtes un opiniâtre qui ne voulez pas entendre raison. Choisissez, ou d'être 7 ans en pénitence pour avoir donné votre parole sans la tenir, ou d'épouser ma filleule. » Le roi, qui avait gardé un profond silence, s'écria tout d'un coup « Faites de moi tout ce que vous voudrez pourvu que je sois délivré de cette maussade. »« Maussade vous-même ! » dit Truiton en colère. « Je vous trouve un plaisant roitelet avec votre équipage marécageux de venir jusqu'en mon pays me dire des injures et manquer à votre parole. »« Voilà des reproches touchants, » dit le roi d'un ton railleur. « Voyez-vous qu'on a tort de ne pas prendre une si belle personne pour sa femme ?»« Non, non, elle ne le sera pas, » s'écria Soucio en colère. « Tu n'as qu'à t'envoler par cette fenêtre, si tu veux, car tu seras 7 ans oiseau bleu. » En même temps, le roi change de figure. Ses bras se couvrent de plumes et forment des ailes. Ses jambes et ses pieds deviennent noirs et menus. Il croît des ongles crochus. Son corps se rapetisse. Il est tout garni de longues plumes fines et mêlées de bleu céleste. Ses yeux s'arrondissent et brillent comme des soleils. Son nez n'est plus qu'un bec d'ivoire. Il s'élève sur sa tête une aigrette blanche qui forme une couronne. Il chante à ravir et parle d'eux-mêmes. En cet état, il jette un cri douloureux de se voir ainsi métamorphosé et s'envole à tire-d'aile pour fuir le funeste palais de Soucio. Dans la mélancolie qui l'accable, il voltige de branche en branche et ne choisit que les arbres consacrés à l'amour ou à la tristesse, tantôt sur les myrtes, tantôt sur les cyprès. Il chante des airs pitoyables où il déplore sa méchante fortune et celle de Florine. En quel lieu ses ennemis l'ont-ils cachée ? Disait-il. Qu'est devenue cette belle victime ? La barbarie de la reine la laisse-t-elle encore respirer ? Où la chercherai-je ? Suis-je condamné à passer 7 ans sans elle ? Peut-être que pendant ce temps on la mariera et que je perdrai pour jamais l'espérance qui soutient ma vie. Ces différentes pensées affligeaient l'oiseau bleu à tel point qu'il voulait se laisser mourir. D'un autre côté, la fée Soucio renvoya Truiton à la reine, qui était bien inquiète comment les noces se seraient passées. Mais quand elle vit sa fille et qu'elle lui raconta tout ce qui venait d'arriver, elle se mit dans une colère terrible dont le contre-coup retomba sur la pauvre Florine. « Il faut, dit-elle, qu'elle se repente plus d'une fois d'avoir su plaire à Charmant. » Elle monta dans la tour avec Truiton, qu'elle avait parée de ses plus riches habits. Elle portait une couronne de diamants sur la tête, et 3 filles des plus riches barons de l'État tenaient la queue de son manteau royal. Elle avait au pouce l'anneau du roi Charmant, que Florine remarqua le jour qu'ils parlèrent ensemble. Elle fut étrangement surprise de voir Truiton dans un si pompeux appareil. « Voilà ma fille qui vient vous apporter des présents de sa noce, » dit la reine. « Le roi Charmant l'a épousée. Il l'aime à la folie. Il n'a jamais été des gens plus satisfaits. » Aussitôt on étale devant la princesse des étoffes d'or et d'argent, des pierreries, des dentelles, des rubans, qui étaient dans de grandes corbeilles de filigrane d'or. En lui présentant toutes ces choses, Truiton ne manquait pas de faire briller l'anneau du roi. De sorte que la princesse Florine, ne pouvant plus douter de son malheur, elle s'écria d'un air désespéré qu'on ôta de ses yeux tous ces présents si funestes, qu'elle ne voulait plus porter que du noir, ou plutôt qu'elle voulait présentement mourir. Elle s'évanouit, et la cruelle reine, ravie d'avoir si bien réussi, ne permit pas qu'on la secourût. Elle la laissa seule dans le plus déplorable état du monde, et fut contée malicieusement au roi que sa fille était si transportée de tendresse que rien n'égalait les extravagances qu'elle faisait, qu'il fallait bien se donner de garde de la laisser sortir de la tour. Le roi lui dit qu'elle pouvait gouverner cette affaire à sa fantaisie et qu'il en serait toujours satisfait. Lorsque la princesse revint de son évanouissement et qu'elle réfléchit sur la conduite qu'on tenait avec elle, au mauvais traitement qu'elle recevait de son indigne marâtre et à l'espérance qu'elle perdait pour jamais d'épouser le roi Charmant, sa douleur devint si vive qu'elle pleura toute la nuit. En cet état, elle se mit à sa fenêtre, où elle fit des regrets fort tendres et fort touchants. Quand le jour approcha, elle la ferma et continua de pleurer. La nuit suivante, elle ouvrit la fenêtre, elle poussa de profonds soupirs et des sanglots, elle versa un torrent de larmes. Le jour vint, elle se cacha dans sa chambre. Cependant, le roi Charmant, ou pour mieux dire le bel oiseau bleu, ne cessait pas de voltiger autour du palais. Il jugeait que sa chère princesse y était renfermée, et si elle faisait de tristes plaintes, les siennes ne l'étaient pas moins. Il s'approchait des fenêtres le plus qu'il pouvait pour regarder dans les chambres, mais la crainte que Truiton ne l'aperçût et ne se douta que c'était lui l'empêchait de faire ce qu'il aurait voulu. « Il y va de ma vie, » disait-il en lui-même. « Si ces mauvaises princesses découvraient où je suis, elles voudraient se venger. » Il faudrait que je m'éloignasse ou que je fusse exposé au dernier danger. » Ces raisons l'obligèrent à garder de grandes mesures, et d'ordinaire il ne chantait que la nuit. Il y avait, vis-à-vis de la fenêtre où Florine se mettait, un cyprès d'une hauteur prodigieuse. L'oiseau bleu vint s'y percher. Il y fut à peine qu'il entendit une personne qui se plaignait. « Souffrirai-je encore longtemps ? » disait-elle. « La mort ne viendra-t-elle point à mon secours ? Ceux qui la craignent ne la voient que trop tôt. Je la désire, et la cruelle me fuit. Ah, reine cruelle, que t'ai-je fait pour me retenir dans une captivité si affreuse ? » L'oiseau bleu n'avait pas perdu un mot de cette plainte. L'oiseau curieux ne manqua pas de revenir la nuit suivante. Il faisait clair de lune. Il vint une fille à la fenêtre de la tour qui commençait ses regrets. L'oiseau bleu écoutait, et plus il écoutait, plus il se persuadait que c'était son aimable princesse qui se plaignait. Il lui dit « Florine, pourquoi voulez-vous finir si promptement vos jours ?»« Hé, qui me parle ? » s'écria-t-elle, « d'une manière si consolante. » « Un roi malheureux, » reprit l'oiseau, « qui n'aimera jamais que vous. » En achevant ces mots, il vola sur la fenêtre. Florine eut d'abord grande peur d'un oiseau si extraordinaire, qui parlait avec autant d'esprit que s'il avait été homme. Mais la beauté de son plumage et ce qu'il lui dit la rassura. « Et qui êtes-vous, charmant oiseau ? » dit la princesse en le caressant. « Vous avez dit mon nom, » ajouta le roi, « et vous feignez de ne me pas connaître. »« Quoi ? Le roi charmant ? » dit la princesse, « serait le bel oiseau que je tiens ?»« Hélas, belle Florine, il n'est que trop vrai, » reprit-il. « Et si quelque chose m'en peut consoler, c'est que j'ai préféré cette peine à celle de renoncer à la passion que j'ai pour vous. »« Pour moi ?» dit Florine. « Ah, ne cherchez point à me tromper. Je sais que vous avez épousé Triton. J'ai reconnu votre anneau à son doigt. Je l'ai vue toute brillante des diamants que vous lui avez donnés. Elle est venue m'insulter dans ma triste prison, chargée d'une riche couronne et d'un manteau royal qu'elle tenait de votre main, pendant que j'étais chargée de chaînes et de fer. « Vous avez vu Triton en cet équipage ? » interrompit le roi. « Sa mère et elle ont osé vous dire que ces joyaux venaient de moi ?» Sachez qu'abusant de votre nom, elles m'ont engagé d'enlever cette laide Truitonne. Mais aussitôt que je connus mon erreur, je voulus l'abandonner, et je choisis enfin d'être oiseau bleu 7 ans de suite, plutôt que de manquer à la fidélité que je vous ai vouée. » Florine avait un plaisir si sensible d'entendre parler l'oiseau bleu, qu'elle ne se souvenait plus des malheurs de sa prison. Le jour paraissait, la plupart des officiers étaient déjà levés, que l'oiseau bleu et la princesse parlaient encore ensemble. Ils se séparèrent avec 1000 peines, après s'être promis que toutes les nuits, ils s'entretiendraient ainsi. Le lendemain, l'oiseau bleu retourna dans son royaume. Il fut à son palais. Il entra dans son cabinet par une vitre brisée, et il en apporta les plus riches bracelets que l'on eût encore vus. La nuit suivante, l'oiseau ne manqua pas d'apporter à sa belle une montre d'une grandeur raisonnable qui était dans une perle. L'excellence du travail surpassait celle de la matière. Dès que le jour paraissait, l'oiseau volait dans le fond de son arbre, où des fruits lui servaient de nourriture. Quelquefois encore il chantait de beaux airs, sa voix ravissait les passants. Il l'entendait et ne voyait personne. De là on pensait que c'était des esprits. Cette opinion devint si commune que l'on osait entrer dans le bois. On rapportait 1000 aventures fabuleuses qui s'y étaient passées, et la terreur générale fit la sûreté particulière de l'oiseau bleu. Il ne se passait aucun jour sans qu'il fît un présent à Florine, tantôt un collier de perles, ou des bagues des plus brillantes et des mieux mises en œuvre, des attaches de diamants, des poinçons, des bouquets de pierreries qui imitaient la couleur des fleurs, des livres agréables, des médailles. Enfin, elle avait un amas de richesses merveilleuses. Elle ne s'emparait jamais que la nuit pour plaire au roi. 2 années s'écoulèrent ainsi sans que Florine se plaignît de sa captivité. Cependant, la malicieuse reine, qui la retenait si cruellement en prison, faisait d'inutiles efforts pour marier Truitonne. Elle envoyait des ambassadeurs la proposer à tous les princes dont elle connaissait le nom. Dès qu'ils arrivaient, on les congédiait brusquement. « S'il s'agissait de la princesse Florine, vous seriez reçus avec joie, leur disait-on, mais pour Truitonne, elle peut rester fille sans que personne s'y oppose. » À ces nouvelles, sa mère et elle s'emportaient de colère contre l'innocente princesse qu'elle persécutait. « Quoi ? Malgré sa captivité, cette arrogante nous traversera toujours ? » disait-elle. « Quel moyen de lui pardonner les mauvais tours qu'elle nous fait ? Il faut qu'elle ait des correspondances secrètes dans les pays étrangers. C'est tout au moins une criminelle d'État. Traitons-la sur ce pied et cherchons tous les moyens possibles de lui nuire. » Elles finirent leur conseil si tard qu'il était plus de 1 minuit lorsqu'elles résolurent de monter dans la tour pour l'interroger. Elle était avec l'aimable oiseau bleu à la fenêtre, parée de ses pierreries, coiffée de ses beaux cheveux, avec un soin qui n'est pas naturel aux personnes affligées. Sa chambre et son lit étaient jonchés de fleurs, et quelques pastilles d'Espagne qu'elle venait de brûler répandaient une odeur excellente. La reine écouta à la porte. Elle crut entendre chanter un air à 2 parties, car Florine avait une voix presque céleste. En voici les paroles qui lui parurent tendres. « Que notre sort est déplorable et que nous souffrons de tourments, pour nous aimer trop constamment. Mais c'est en vain qu'on nous accable malgré nos cruels ennemis. Nos cœurs seront toujours unis. Quelques soupirs finirent leur petit concert. « Ah, ma Truitonne, nous sommes trahis !» s'écria la reine en ouvrant brusquement la porte et se jetant dans la chambre. Que devint Florine à cette vue? Elle poussa promptement sa petite fenêtre pour donner le temps à l'oiseau royal de s'envoler. Elle était bien plus occupée de sa conservation que de la sienne propre. Mais il ne se sentit pas la force de s'éloigner, malgré le danger qu'il courait d'être pris et mis en cage. Ses yeux perçants lui avaient découvert le péril où sa princesse était exposée. Il avait vu la reine et Truitonne. Quelle affliction de n'être pas en état de défendre sa maîtresse! Elles s'approchèrent d'elle comme des furies qui voulaient la dérober. « Lancez vos intrigues contre l'État !» s'écria la reine. « Ne pensez pas que votre rang vous sauve des châtiments que vous méritez. »« Et avec qui, madame ?» répliqua la princesse. « N'êtes-vous pas ma geôlière depuis 2 ans ? Ai-je vu d'autres personnes que celles que vous m'avez envoyées ?» Pendant qu'elle parlait, la reine et sa fille l'examinaient avec une surprise sans pareille. Son admirable beauté et son extraordinaire parure les éblouissaient. « Et d'où vous vient, madame ? » dit la reine. « Ces pierreries qui brillent plus que le soleil ? Nous ferez-vous accroire qu'il y en a des mines dans cette tour ?»« Je les y ai trouvées, » répliqua Florine. « C'est tout ce que j'en sais. » La reine la regardait attentivement pour pénétrer jusqu'au fond de son cœur ce qui s'y passait. « Nous ne sommes pas vos dupes, » dit-elle. « Vous pensez nous en faire accroire. Mais, princesse, nous savons ce que vous faites depuis le matin jusqu'au soir. On vous a donné tous ces bijoux dans la seule vue de vous obliger à vendre le royaume de votre père. »« Je serai forte en état de le livrer, » répondit-elle avec un sourire dédaigneux. Une princesse infortunée, qui languit dans les fers depuis si longtemps, peut beaucoup dans un complot de cette nature. « Et pour qui donc ? » reprit la reine. « Êtes-vous coiffée comme une petite coquette, votre chambre pleine d'odeurs et votre personne si magnifique qu'au milieu de la cour vous seriez moins parée ?»« J'ai assez de loisirs, » dit la princesse. « Il n'est pas extraordinaire que j'en donne quelques moments à m'habiller. J'en passe tant d'autres à pleurer mes malheurs que ceux-là ne sont pas à me reprocher. » « Allons, voyons, » dit la reine, « si cette innocente personne n'a point quelque traité fait avec les ennemis. » Elle chercha elle-même partout, et venant à la paillasse, qu'elle fit vider, elle y trouva une si grande quantité de diamants, de perles, de rubis, d'émeraudes et de topazes, qu'elle ne savait d'où cela venait. Elle avait résolu de mettre en quelque lieu des papiers pour perdre la princesse. Dans le temps qu'on n'y prenait pas garde, elle en cacha dans la cheminée. Mais par bonheur, l'oiseau bleu était perché au-dessus, qui voyait mieux qu'un lynx, et qui écoutait tout. Il s'écria « Prends garde à toi, Florine, voilà ton ennemi qui veut te faire une trahison !» Cette voix si peu attendue épouvanta à tel point la reine qu'elle n'osa faire ce qu'elle avait médité. « Vous voyez, madame, dit la princesse, que les esprits qui volent en l'air me sont favorables. « Je crois, dit la reine outrée de colère, que les démons s'intéressent pour vous. Mais malgré eux, votre père saura se faire justice. « Plût au ciel, s'écria Florine, n'avoir à craindre que la fureur de mon père. Mais la vôtre, madame, est plus terrible. » La reine la quitta, troublée de tout ce qu'elle venait de voir et d'entendre. Elle tint conseil sur ce qu'elle devait faire contre la princesse. On lui dit que si quelque fée ou quelque enchanteur la prenait sous leur protection, ce serait les irriter que de lui faire de nouvelles peines, et qu'il serait mieux d'essayer de découvrir son intrigue. La reine approuva cette pensée. Elle envoya coucher dans sa chambre une jeune fille qui contrefaisait l'innocente. Elle eut ordre de lui dire qu'on la mettait auprès d'elle pour la servir. Mais quelle apparence de donner dans un panneau si grossier ? La princesse la regarda comme une espionne. L'on n'en peut ressentir une douleur plus violente. « Quoi ? Je ne parlerai plus à cet oiseau qui m'est si cher ? » disait-elle. « Il m'aidait à supporter mes malheurs, je soulageais les siens, Notre tendresse nous suffisait. Que va-t-il faire? Que ferais-je moi-même? » En pensant à toutes ces choses, elle versait des ruisseaux de larmes. Elle n'osait plus se mettre à la petite fenêtre, quoiqu'elle l'entendît voltiger autour. Elle mourait d'envie de lui ouvrir, mais elle craignait d'exposer la vie de ce cher oiseau. Elle passa un mois entier sans paraître. L'oiseau bleu se désespérait. Quelle plainte ne faisait-il pas? Il n'avait jamais mieux ressenti les maux de l'absence et ceux de la métamorphose. Il cherchait inutilement des remèdes à l'un et à l'autre. Après s'être creusé la tête, il ne trouvait rien qui le soulageât. L'espionne de la princesse, qui veillait jour et nuit depuis un mois, se sentit si accablée de sommeil qu'enfin elle s'endormit profondément. Florine s'en aperçut. Elle ouvrit sa petite fenêtre et dit « Oiseau bleu couleur du temps, voilà-moi promptement !» Ce sont là ses propres paroles, auxquelles l'on n'a voulu rien changer. L'oiseau les entendit si bien qu'il vint promptement sur la fenêtre. Quelle joie de se revoir! Qu'ils avaient de choses à se dire! Les amitiés et les protestations de fidélité se renouvelèrent mille et mille fois. La princesse n'ayant pu s'empêcher de répandre des larmes, l'oiseau bleu la consola de son mieux. Enfin, l'heure de se quitter étant venue, sans que la geôlière se fût réveillée, ils se dirent l'adieu le plus touchant. Le lendemain encore, l'espionne s'endormit. La princesse diligemment se mit à la fenêtre, puis elle dit comme la première fois « Oiseau bleu couleur du temps, voilà-moi promptement !» Aussitôt l'oiseau vint, et la nuit se passa comme l'autre, sans bruit et sans éclat. Il se flattait que la surveillante prendrait tant de plaisir à dormir qu'elle en ferait autant toutes les nuits. Effectivement, la troisième se passa encore très heureusement. Mais pour celle qui suivit, la dormeuse ayant entendu quelque bruit, elle écouta sans faire semblant de rien. Puis elle regarda et vit au clair de la lune le plus bel oiseau de l'univers qui parlait à la princesse, qui la caressait avec sa patte, qui la becquetait doucement. Enfin, elle entendit plusieurs choses de leur conversation et demeura très étonnée, car l'oiseau parlait comme un homme, et la belle Florine lui répondait avec tendresse. Le jour parut, ils se dirent adieu, et comme s'ils eussent eu un pressentiment de leur prochaine disgrâce, ils se quittèrent avec une peine extrême. La princesse se jeta sur son lit toute baignée de ses larmes, et le roi retourna dans le creux de son arbre. Sa geôlière courut chez la reine, elle lui apprit tout ce qu'elle avait vu et entendu. La reine envoya quérir Truiton et ses confidentes. Elles raisonnèrent longtemps ensemble et conclurent que l'oiseau bleu était le roi charmant. « Quel affront ! » s'écria la reine. « Quel affront, ma Truiton ! Cette insolente princesse que je croyais si affligée jouissait en repos des agréables conversations de notre ingrat. Ah ! Je me vengerai d'une manière si sanglante qu'il en sera parlé !» Truiton la pria de n'y perdre pas un moment. La reine renvoya l'espionne dans la tour. Elle lui ordonna de ne témoigner ni soupçon ni curiosité et de paraître plus endormie qu'à l'ordinaire. Elle se coucha de bonne heure, elle ronfla de son mieux. Et la princesse déçue, ouvrant la fenêtre, s'écria « Oiseau bleu couleur du temps, voilà-moi promptement !» Mais elle l'appela toute la nuit inutilement, il ne parut point, car la méchante reine avait fait attacher aussi près des épées, des couteaux, des rasoirs, des poignards, et lorsqu'il vint à tire-d'aile s'abattre dessus, ses armes meurtrières lui coupèrent les pieds. Il tomba sur d'autres qui lui coupèrent les ailes, et enfin, tout percé, il se sauva avec mille peines jusqu'à son arbre, laissant une longue trace de sang. « Que n'étiez-vous là, belle princesse, pour soulager cet oiseau royal ? Mais elle serait morte si elle l'avait vu dans un état si déplorable. » Il ne voulait prendre aucun soin de sa vie, persuadé que c'était Florine qui lui avait fait jouer ce mauvais tour. Ses funestes idées l'accablèrent à tel point qu'il résolut de mourir. Mais son ami l'enchanteur, qui avait vu revenir chez lui les grenouilles volantes avec le chariot, sans que le roi parût, se mit si en peine de ce qui pouvait lui être arrivé qu'il parcourut 8 fois toute la terre pour le chercher, sans qu'il fût possible de le trouver. Il faisait son 9e tour lorsqu'il passa dans le bois où il était, et, selon les règles qu'il s'était prescrites, il sonna du cor assez longtemps, et puis il cria 5 fois de toute sa force « Roi charmant! Roi charmant! Où êtes-vous ?» Le roi reconnut la voix de son meilleur ami. « Approchez, lui dit-il, de cet arbre, et voyez le malheureux roi que vous chérissez noyé dans son sang. » L'enchanteur, tout surpris, regardait de tous côtés sans rien voir. « Je suis oiseau bleu, » dit le roi d'une voix faible et languissante. À ces mots, l'enchanteur le trouva sans peine dans son petit nid. Un autre que lui aurait été étonné plus qu'il ne le fut, mais il n'ignorait aucun tour de l'art nécromancien. Il ne lui en coûta que quelques paroles pour arrêter le sang qui coulait encore, et avec des herbes qu'il trouva dans le bois et sur lesquelles il dit 2 mots de grimoire, il guérit le roi aussi parfaitement que s'il n'avait pas été blessé. Le royal oiseau, désespéré, pria son ami de le porter chez lui et de le mettre dans une cage, où il fut à couvert de la patte du chat et de toute arme meurtrière. « Mais, lui dit l'enchanteur, resterez-vous encore 5 ans dans un état si déplorable et si peu convenable à vos affaires et à votre dignité? Car enfin, vous avez des ennemis qui soutiennent que vous êtes mort. Ils veulent envahir votre royaume. Je crains bien que vous ne l'ayez perdu avant d'avoir recouvré votre première forme. » « Ne pourrais-je pas, répliqua-t-il, aller dans mon palais et gouverner tout comme je faisais ordinairement ?»« Oh ! S'écria son ami, la chose est difficile. Tel qui veut obéir à un homme ne veut pas obéir à un perroquet. Tel vous craint étant roi, étant environné de grandeur et de faste, qui vous arrachera toutes les plumes vous voyant un petit oiseau. » « Ah, brillant extérieur ! S'écria le roi. Encore que tu ne signifies rien pour le mérite et pour la vertu, tu ne laisses pas d'avoir des endroits décevants dont on ne saurait se défendre. Eh bien, continua-t-il, soyons philosophes, méprisons ce que nous ne pouvons obtenir. Notre parti ne sera point le plus mauvais. » « Je ne me rends pas si tôt, dit le magicien. J'espère de trouver quelques bons expédients. » Florine, la triste Florine, désespérée de ne plus voir le roi, passait les jours et les nuits à sa fenêtre, répétant sans cesse « Oiseau bleu, couleur du temps, vola-moi promptement !» La présence de son espionne ne l'en empêchait point. Son désespoir était tel qu'elle ne ménageait plus rien. « Qu'êtes-vous devenu, roi charmant ? S'écriait-elle. « Nos communs ennemis vous ont-ils fait ressentir les cruels effets de leur rage ? Avez-vous été sacrifié à leur fureur ? Hélas, hélas, n'êtes-vous plus ? Ne dois-je plus vous voir ? Ou, fatigué de mes malheurs, m'avez-vous abandonné à la dureté de mon sort ?» La princesse, abattue, malade, maigre et changée, pouvait à peine se soutenir. Elle était persuadée que tout ce qu'il y a de plus funeste était arrivé au roi. La reine et Truiton triomphaient. La vengeance leur faisait plus de plaisir que l'offense ne leur avait fait de peine. Cependant, le père de Florine, qui devenait vieux, tomba malade et mourut. La fortune de la méchante reine et de sa fille changea de face. Elles étaient regardées comme des favorites qui avaient abusé de leur faveur. Le peuple mutiné courut au palais demander la princesse Florine, la reconnaissant pour souveraine. La reine, irritée, voulut traiter l'affaire avec hauteur. Elle parut sur un balcon et menaça les mutins. En même temps, la sédition devint générale. On enfonce les portes de son appartement, on le pille et on l'assomme à coups de pierre. Truiton s'enfuit chez sa marraine la fée Soucio. Elle ne courait pas moins de danger que sa mère. Les grands du royaume s'assemblèrent promptement et montèrent à la tour, où la princesse était fort malade. Elle ignorait la mort de son père et le supplice de son ennemi. Quand elle entendit tant de bruit, elle ne douta pas qu'on ne vînt la prendre pour la faire mourir. Elle n'en fut point effrayée. La vie lui était odieuse depuis qu'elle avait perdu l'oiseau bleu. Mais ses sujets, s'étant jetés à ses pieds, lui apprirent le changement qui venait d'arriver à sa fortune. Elle n'en fut point émue. Ils la portèrent dans son palais et la couronnèrent. Les soins infinis que l'on prit de sa santé et l'envie qu'elle avait d'aller chercher l'oiseau bleu contribuèrent beaucoup à la rétablir et lui donnèrent bientôt assez de force pour nommer un conseil afin d'avoir soin de son royaume en son absence. Ensuite, elle se munit d'une grande quantité de pierreries et partit une nuit toute seule, sans que personne sût où elle allait. L'enchanteur qui prenait soin des affaires du roi charmant n'ayant pas assez de pouvoir pour détruire ce que Soussio avait fait, s'avisa de l'aller trouver et de lui proposer quelque accommodement, en faveur duquel elle rendrait au roi sa figure naturelle. Il prit les grenouilles et vola chez la fée, qui causait dans ce moment avec Truitonne. D'un enchanteur à une fée, il n'y a que la main. Ils se connaissaient depuis 500 ou 600 ans, et dans cet espace de temps, ils avaient été 1000 fois bien et mal ensemble. Elle le reçut très agréablement. « Que veut mon compère ? » lui dit-elle. C'est ainsi qu'ils se nomment tous. « Y a-t-il quelque chose pour son service qui dépende de moi ?»« Oui, ma commère, » dit le magicien. « Vous pouvez tout pour ma satisfaction. Il s'agit du meilleur de mes amis, d'un roi que vous avez rendu infortuné. » « Ah ah, je vous entends, compère !» s'écria Soussio. « J'en suis fâché, mais il n'y a point de grâce à espérer pour lui s'il ne veut épouser ma filleule. La voilà belle et jolie, comme vous voyez. Qu'il se consulte !» L'enchanteur pensa demeurer muet, tant il la trouva laide. Cependant, il ne pouvait se résoudre à s'en aller sans régler quelque chose avec elle, parce que le roi avait couru 1000 risques depuis qu'il était en cage. Le clou qui l'accrochait s'était rompu, la cage était tombée, et sa majesté emplumée souffrit beaucoup de cette chute. Minet, qui se trouva dans la chambre lorsque cet accident arriva, lui donna un coup de griffe dans l'œil, dont il pensa rester borgne. Une autre fois, on avait oublié de lui donner à boire. Il manqua d'en avoir la pépie, quand on l'en garantit par quelques gouttes d'eau. Un petit coquin de singe s'étant échappé, attrapa ses plumes au travers des barreaux de la cage, et il l'épargna aussi peu qu'il aurait fait un jet ou un merle. Le pire de tout cela, c'est qu'il était sur le point de perdre son royaume. Ses héritiers faisaient tous les jours des fourberies nouvelles pour prouver qu'il était mort. Enfin, l'enchanteur conclut avec sa commère Soussio qu'elle mènerait Truitonne dans le palais du roi charmant, qu'elle y resterait quelques mois, pendant lesquels il prendrait sa résolution de l'épouser, et qu'elle lui rendrait sa figure, quitte à reprendre celle d'oiseau s'il ne voulait pas se marier. La fée donna des habits tout d'or et d'argent à Truitonne, puis elle la fit monter en trousse derrière elle sur un dragon, et elles se rendirent au royaume de Charmant, qui venait d'y arriver avec son fidèle ami l'enchanteur. En 3 coups de baguette, il se vit le même qu'il avait été, beau, aimable, spirituel et magnifique. Mais il achetait bien cher le temps qu'on diminuait de sa pénitence. La seule pensée d'épouser Truitonne le faisait frémir. L'enchanteur lui disait les meilleures raisons qu'il pouvait. Elle ne faisait qu'une médiocre impression sur son esprit, et il était moins occupé de la conduite de son royaume que des moyens de prolonger le terme que Soussio lui avait donné pour épouser Truitonne. Cependant, la reine Florine, déguisée sous un habit de paysanne, avec ses cheveux épars et mêlés, qui cachaient son visage, commença son voyage seule et à pied. Elle marchait le plus vite possible, mais ne sachant où elle devait tourner ses pas, elle craignait toujours d'aller d'un côté, pendant que son aimable roi serait de l'autre. Un jour qu'elle s'était arrêtée au bord d'une fontaine, dont l'eau argentée bondissait sur de petits cailloux, elle eut envie de se laver les pieds. Elle s'assit sur le gazon, elle releva ses blonds cheveux avec un ruban et mit ses pieds dans le ruisseau. Elle ressemblait à Diane qui se baigne au retour d'une chasse. Il passa dans cet endroit une petite vieille toute voûtée, appuyée sur un gros bâton. Elle s'arrêta et lui dit « Que faites-vous là, ma belle-fille? Vous êtes bien seule !»« Ma bonne mère, » dit la reine, « je ne laisse pas d'être en grande compagnie, car j'ai avec moi les chagrins, les inquiétudes et les déplaisirs. » À ces mots, ses yeux se couvrirent de larmes. « Quoi? Si jeune, vous pleurez ?» dit la bonne femme. « Ah, ma fille, ne vous affligez pas. Dites-moi sincèrement ce qui vous fait de la peine, et je ferai en sorte de vous soulager. » La reine le voulut bien. Elle lui conta ses chagrins, la conduite que la fée Soussio avait tenue dans cette affaire, et enfin, comme elle cherchait l'oiseau bleu. La petite vieille se redresse, change tout d'un coup de visage, paraît belle, jeune, habillée superbement, et regardant la reine avec un sourire gracieux, « Incomparable Florine, lui dit-elle, le roi que vous cherchez n'est plus oiseau. Ma sœur Soussio lui a rendu sa première figure, il est dans son royaume. Ne vous affligez point, vous y arriverez et vous viendrez à bout de votre dessein. Voilà 4 œufs, vous les casserez dans vos pressants besoins, et vous y trouverez des secours qui vous seront utiles. » En achevant ces mots, elle disparut. Florine se sentit fort consolée de ce qu'elle venait d'entendre. Elle mit ses œufs dans son sac et tourna ses pas vers le royaume de Charmant. Après avoir marché 8 jours et 8 nuits sans s'arrêter, elle arrive au pied d'une montagne prodigieuse par sa hauteur, toute d'ivoire et si droite que l'on n'y pouvait mettre les pieds sans tomber. Elle fit 1000 tentatives inutiles, elle glissait, elle se fatiguait, et désespérée d'un obstacle si insurmontable, elle se coucha au pied de la montagne, résolue de s'y laisser mourir, quand elle se souvint des œufs que la fée lui avait donnés. Elle en prit un. « Voyons, dit-elle, si elle ne s'est point moquée de moi en me promettant les secours dont j'aurai besoin. » Dès qu'elle l'eut cassé, elle y trouva des petits crampons d'or qu'elle mit à ses pieds et à ses mains. Quand elle les eut, elle monta la montagne d'ivoire sans aucune peine, car les crampons entraient dedans et l'empêchaient de glisser. Lorsqu'elle fut tout au haut, elle eut de nouvelles peines pour descendre. Toute la vallée était d'une seule glace de miroir. Il y avait autour plus de 60 000 femmes qui s'y miraient avec un plaisir extrême, car ce miroir avait bien 2 lieues de large et 6 de haut. Chacune s'y voyait selon ce qu'elle voulait être. La rousse y paraissait blonde, la brune avait les cheveux noirs, la vieille croyait être jeune, la jeune n'y vieillissait point. Enfin, tous les défauts y étaient si bien cachés que l'on y venait des 4 coins du monde. Il y avait de quoi mourir de rire, de voir les grimaces et les minauderies que la plupart de ces coquettes faisaient. Cette circonstance n'y attirait pas moins d'hommes. Le miroir leur plaisait aussi. Il faisait paraître aux uns de beaux cheveux, aux autres la taille plus haute et mieux prise, l'air martial et meilleure mine. Les femmes dont ils se moquaient ne se moquaient pas moins d'eux, de sorte que l'on appelait cette montagne de 1000 noms différents. Personne n'était jamais parvenu jusqu'au sommet, et quand on y vit Florine, les dames poussèrent de longs cris de désespoir. « Où va cette malavisée ? » disaient-elles. « Sans doute qu'elle a assez d'esprit pour marcher sur notre glace. Du premier pas, elle brisera tout. » Elle faisait un bruit épouvantable. La reine ne savait comment faire, car elle voyait un grand péril à descendre par là. Elle cassa un autre œuf, dont il sortit 2 pigeons et 1 chariot, qui devint en même temps assez grand pour s'y placer commodément. Puis les pigeons descendirent légèrement avec la reine, sans qu'il lui arrivât rien de fâcheux. Elle leur dit « Mes petits amis, si vous vouliez me conduire jusqu'au lieu où le roi charmant tient sa cour, vous n'obligeriez point une ingrate. » Les pigeons, civils et obéissants, ne s'arrêtèrent ni jour ni nuit qu'ils ne fussent arrivés aux portes de la ville. Florine descendit et leur donna à chacun un doux baiser, plus estimable qu'une couronne. Oh, que le cœur lui battait en entrant! Elle se barbouilla le visage pour n'être point connue. Elle demanda aux passants où elle pouvait voir le roi. Quelques-uns se prirent à rire. « Voir le roi ? » lui dirent-ils. « Que lui veux-tu, ma Missouillon ? Va, va te décrasser, tu n'as pas les yeux assez bons pour voir un tel monarque. » La reine ne répondit rien. Elle s'éloigna doucement et demanda encore à ceux qu'elle rencontra où elle se pourrait mettre pour voir le roi. « Il doit venir demain au temple avec la princesse Truitonne, lui dit-on, car enfin il consent à l'épouser. « Ciel, quelle nouvelle ! Truitonne, l'indigne Truitonne sur le point d'épouser le roi ?» Florine pensa mourir. Elle n'eut plus de force pour parler ni pour marcher. Elle se mit sous une porte, assise sur des pierres, bien cachée de ses cheveux et de son chapeau de paille. « Infortunée que je suis, disait-elle, je viens ici pour augmenter le triomphe de ma rivale et me rendre témoin de sa satisfaction. C'était donc à cause d'elle que l'oiseau bleu cessa de me venir voir. C'était pour ce petit monstre qu'il faisait la plus cruelle de toutes les infidélités, pendant qu'abîmée dans la douleur, je m'inquiétais pour la conservation de sa vie. » Quand on a beaucoup de chagrin, il est rare d'avoir bon appétit. La reine se logea dans une misérable chaumière et se coucha sans souper. Elle se leva avec le jour, elle courut au temple, elle n'y entra qu'après avoir essuyé 1000 rebuffades des gardes et des soldats. Elle vit le trône du roi et celui de Truitonne qu'on regardait déjà comme la reine. Quelle douleur pour une personne aussi tendre et aussi délicate que Florine! Elle s'approcha du trône de sa rivale. Elle se tint debout, appuyé contre un pilier de marbre. Le roi vint le premier, plus beau et plus aimable qu'il eût été de sa vie. Truiton parut ensuite richement vêtue, et si laide qu'elle en faisait peur. Elle regarda la reine en fronçant le sourcil. « Qui es-tu ? » lui dit-elle, « pour oser t'approcher de mon excellente figure. » « Je me nomme Missouillon, » répondit-elle. « Je viens de loin pour vous vendre des raretés. » Elle fouilla aussitôt dans son sac, elle en tira les bracelets que le roi charmant lui avait donnés. « Oh oh ! » dit Truiton, « voilà de jolies verreries. En veux-tu une pièce de 5 sous ? » « Montrez-les, madame, aux connaisseurs, » dit la reine, « et puis nous ferons notre marché. » Truiton, qui aimait le roi plus tendrement qu'une telle bête n'en était capable, étant ravi de trouver des occasions de lui parler, s'avança jusqu'à son trône et lui montra les bracelets, le priant de lui en dire son sentiment. À la vue de ces bracelets, il se souvint de ceux qu'il avait donnés à Florine. Il pâlit, il soupira et fut longtemps sans répondre. Enfin, craignant qu'on ne s'aperçût de l'état où ses différentes pensées le réduisaient, il se fit un effort et lui répliqua « Ces bracelets valent, je crois, autant que mon royaume. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une paire au monde, mais en voilà deux semblables. » Truiton se plaça sur son trône, où elle avait moins bonne mine qu'une huître à l'écaille. Elle demanda à la reine combien, sans surfaire, elle voulait de ses bracelets. « Vous auriez trop de peine à me les payer, madame, » dit-elle. « Il vaut mieux vous proposer un autre marché. Si vous me voulez procurer de coucher une nuit dans le cabinet des échos qui est au palais du roi, je vous donnerai mes émeraudes. »« Je le veux bien, Missouillon, » dit Truiton en riant comme une perdue. Le roi ne s'informa point d'où venaient ses bracelets, moins par indifférence pour celle qui les présentait, bien qu'elle ne fût guère propre à faire naître la curiosité, que par un éloignement invincible qu'il sentait pour Truiton. Or, il est à propos qu'on sache que, pendant qu'il était oiseau bleu, il avait conté à la princesse qu'il y avait sous son appartement un cabinet, qu'on appelait le cabinet des échos, qui était si ingénieusement fait que tout ce qui s'y disait fort bas était entendu du roi lorsqu'il était couché dans sa chambre. Et comme Florine voulait lui reprocher son infidélité, elle n'en avait point imaginé de meilleur moyen. On la mena dans le cabinet par ordre de Truiton. Elle commença ses plaintes et ses regrets. « Le malheur dont je voulais douter n'est que trop certain, cruel oiseau bleu, » dit-elle. « Tu m'as oublié. Tu aimes mon indigne rival. Les bracelets que j'ai reçus de ta déloyale main n'ont pu me rappeler à ton souvenir. » Les valets de chambre l'avaient entendu toute la nuit gémir et soupirer. Ils le dirent à Truiton, qui lui demanda quel tintamarre elle avait fait. La reine lui dit qu'elle dormait si bien qu'ordinairement elle rêvait et qu'elle parlait très souvent tout haut. Pour le roi, il ne l'avait point entendue, par une fatalité étrange. C'est que depuis qu'il avait aimé Florine, il ne pouvait plus dormir, et lorsqu'il se mettait au lit pour prendre quelque repos, on lui donnait de l'opium. La reine passa une partie du jour dans une étrange inquiétude. « S'il m'a entendue, disait-elle, se peut-il une indifférence plus cruelle? S'il ne m'a pas entendue, que ferais-je pour parvenir à me faire entendre ? Il ne se trouvait plus de raretés extraordinaires, car des pierreries sont toujours belles. Mais il fallait quelque chose qui piquât le goût de Truiton. Elle eut recours à ses œufs. Elle en cassa un. Aussitôt, il en sortit un petit carrosse d'acier poli, garni d'or de rapport. Il était attelé de 6 souris vertes, conduites par un raton couleur de rose, et le postillon, qui était aussi de famille ratonienne, était gris de lin. Il y avait dans ce carrosse 4 marionnettes plus fringantes et plus spirituelles que toutes celles qui paraissent aux foires Saint-Germain et Saint-Laurent. Elles faisaient des choses surprenantes, particulièrement 2 petites égyptiennes qui, pour danser la sarabande et les passe-pieds, ne le cédaient à aucun danseur. La reine demeura ravie de ce nouveau chef-d'œuvre de l'art nécromancien. Elle ne dit mot jusqu'au soir, qui était l'heure que Truiton allait à la promenade. Elle se mit dans une allée, faisant galoper ses souris, qui traînait le carrosse, les ratons et les marionnettes. Cette nouveauté étonna si fort Truiton qu'elle s'écria 2 ou 3 fois « Missouillon, Missouillon, veux-tu 5 sous du carrosse et de son attelage souriquois ?»« Demandez aux gens de lettres et aux docteurs de ce royaume, » dit Florine, « ce qu'une telle merveille peut valoir, et je m'en rapporterai à l'estimation du plus savant. » Truiton, qui était absolu en tout, lui répliqua « Sans m'importuner plus longtemps de ta crasseuse présence, dis-moi le prix. » « Dormir encore dans le cabinet des échos, dit-elle, est tout ce que je demande. » « Va, pauvre bête, répliqua Truiton, tu n'en seras pas refusé. » Et se tournant vers ces dames, « Voilà une sotte créature, dit-elle, de retirer si peu davantage de ses raretés. » La nuit vint. Florine dit tout ce qu'elle put imaginer de plus tendre, et elle le dit aussi inutilement qu'elle avait déjà fait, parce que le roi ne manquait jamais de prendre son opium. Elle attendait très impatiemment le jour pour voir quel effet ses discours auraient produit. Mais hélas, il n'en fut ni plus ni moins que la première fois. Il n'y avait plus qu'un œuf dans son sac dont elle dut espérer du secours. Elle le cassa. Il en sortit un pâté de 6 oiseaux qui étaient bardés, cuits et fort bien apprêtés. Avec cela, il chantait merveilleusement bien, disait la bonne aventure et savait mieux la médecine qu'Esculape. La reine resta charmée d'une chose si admirable. Elle fut avec son pâté parlant dans l'antichambre de Truiton. Comme elle attendait qu'elle passât, un des valets de chambre du roi s'approcha d'elle et lui dit « Mamie Souillon, savez-vous bien que si le roi ne prenait pas de l'opium pour dormir, vous l'étourdiriez assurément, car vous jasez la nuit d'une manière surprenante. » Florine ne s'étonna plus de ce qu'il ne l'avait pas entendu. Elle fouilla dans son sac et lui dit « Je crains si peu d'interrompre le repos du roi que, si vous voulez ne lui point donner d'opium ce soir, en cas que je couche dans ce même cabinet, toutes ces perles et tous ces diamants seront pour vous. » Le valet de chambre y consentit et lui en donna sa parole. À quelques moments de là, Truiton vint. Elle aperçut la reine avec son pâté, qui feignait de le vouloir manger. « Que fais-tu là, Missouillon ? » lui dit-elle. « Madame, répliqua Florine, « je mange des astrologues, des musiciens et des médecins. » En même temps, tous les oiseaux se mettent à chanter plus mélodieusement que des sirènes. Puis ils s'écrièrent « Donnez la pièce blanche et nous vous dirons votre bonne aventure. » Un canard qui dominait dit plus haut que les autres « Ah, ah, ah, je suis médecin, je guéris de tous maux et de toutes sortes de folies, hormis de celles d'amour. » Truiton, plus surprise de tant de merveilles qu'elle l'eût été de ses jours, jura « Par la vertu chou, voilà un excellent pâté! Je le veux avoir! Ça, ça, Missouillon, que t'en donnerais-je? » « Le prix ordinaire, dit-elle, couché dans le cabinet des échos. « Tiens, dit Truiton, car elle était de belle humeur, voilà une pistole. » Florine, plus contente qu'elle l'eût encore été, parce qu'elle espérait que le roi l'entendrait, se retira en la remerciant. Dès que la nuit parut, elle se fit conduire dans le cabinet. Lorsqu'elle crut que chacun s'était endormi, elle commença ses plaintes ordinaires. « À combien de périls me suis-je exposée, disait-elle, pour te chercher pendant que tu me fuis. Que t'ai-je donc fait, cruelle, pour oublier tes serments ? Souviens-toi de ta métamorphose, de mes bontés, de nos conversations. » Le roi ne dormait point, et il entendait si distinctement la voix de Florine et toutes ses paroles qu'il ne pouvait comprendre d'où elles venaient. Mais son cœur, pénétré de tendresse, lui rappela si vivement l'idée de son incomparable princesse qu'il sentit sa séparation avec la même douleur qu'au moment où les couteaux l'avaient blessé sur le cyprès. Il se mit à parler de son côté comme la reine avait fait du sien. « Ah, princesse, dit-il, est-il possible que vous m'ayez sacrifiée à nos ennemis ?» Florine entendit ce qu'il disait, et ne manqua pas de lui répondre et de lui apprendre que s'il voulait entretenir l'ami Souillon, il serait éclairci de tous les mystères qu'il n'avait pu pénétrer jusqu'alors. À ces mots, le roi, impatient, appela un de ses valets de chambre et lui demanda s'il ne pouvait point trouver Missouillon et l'amener. Le valet de chambre répliqua que rien n'était plus aisé parce qu'elle couchait dans le cabinet des échos. Le roi ne savait qu'imaginer. Quel moyen de croire qu'une si grande reine que Florine fût déguisée en Souillon ? Et quel moyen de croire que Missouillon eût la voix de la reine et sût des secrets si particuliers, à moins que ce ne fût elle-même ? Dans cette incertitude, il se leva et, s'habillant avec précipitation, il descendit par un degré dérobé dans le cabinet des échos. Il trouva la reine en robe de taffetas blanc, qu'elle portait sous ses vilains habits. Ses beaux cheveux couvraient ses épaules. Elle était couchée sur un lit de repos, et une lampe un peu éloignée ne rendait qu'une lumière sombre. Le roi entra, la reconnut, et vint se jeter à ses pieds. La reine ne demeura pas moins troublée. Son cœur se serra. Elle pouvait à peine soupirer. Elle regardait fixement le roi sans lui rien dire. Et quand elle eut la force de lui parler, elle n'eut pas celle de lui faire des reproches. Le plaisir de le revoir lui fit oublier pour quelque temps les sujets de plainte qu'elle croyait avoir. Enfin, ils s'éclaircirent, ils se justifièrent, et tout ce qui les embarrassait, c'était la fée Soucio. Mais dans ce moment, l'enchanteur qui aimait le roi arriva avec une fée fameuse. C'était justement celle qui donna les quatre œufs à Florine. Après les premiers compliments, l'enchanteur et la fée déclarèrent que leur pouvoir était uni en faveur du roi et de la reine. Soucio ne pouvait rien contre eux, et qu'ainsi leur mariage ne recevrait aucun retardement. Il est aisé de se figurer la joie de ces deux jeunes amants. Dès qu'il fut jour, on la publia dans tout le palais, et chacun était ravi de voir Florine. Ces nouvelles allèrent jusqu'à Truiton. Elle accourut chez le roi. Quelle surprise d'y trouver sa belle rivale! Dès qu'elle voulut ouvrir la bouche pour lui dire des injures, l'enchanteur et la fée parurent, qui la métamorphosèrent en truie, afin qu'il lui restât au moins une partie de son nom et de son naturel grondeur. Elle s'enfuit toujours grognant jusque dans la basse-cour, où de longs éclats de rire que l'on fit sur elle achevèrent de la désespérer. Le roi Charmante et la reine Florine, délivrés d'une personne si odieuse, ne pensèrent plus qu'à la fête de leurs noces. La galanterie et la magnificence y parurent également. Il est aisé de juger de leur félicité après de si longs malheurs. Quand Truiton aspirait à l'hymen de Charmant, et que, sans avoir su lui plaire, elle voulait former ce triste engagement que la mort seule peut défaire, qu'elle était imprudente, hélas. Sans doute elle ignorait qu'un pareil mariage devient un funeste esclavage si l'amour ne le forme pas. Je trouve que Charmant fut sage. À mon sens, il vaut beaucoup mieux être oiseau bleu, corbeau, devenir hibou même, que d'éprouver la peine extrême d'avoir ce que l'on est toujours devant les yeux. En ces sortes d'hymens, notre siècle est fertile. Les hymens seraient plus heureux si l'on trouvait encore quelque enchanteur habile qui voulût s'opposer à ces coupables nœuds et ne jamais souffrir que l'hyménée unisse, par intérêt ou par caprice, deux cœurs infortunés s'ils ne s'aiment tous deux. Fin de L'Oiseau Bleu par Madame D'Aulnoy, enregistré par Ezoy en Belgique en janvier 2010. La table, l'âne et le bâton merveilleux par Jacob et Wilhelm Grimm. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Caroline Sophie. La table, l'âne et le bâton merveilleux par Jacob et Wilhelm Grimm. Il était une fois un tailleur qui avait trois fils et une chèvre. Comme la chèvre nourrissait toute la famille de son lait, il fallait lui donner du bon fourrage et la mener paître dehors tous les jours. C'était la besogne des fils, chacun à son tour. Un jour, l'aîné la mena au cimetière où il y avait de l'herbe magnifique, qu'elle brouta à son aise avec force gambade. Le soir, quand il fut temps de rentrer, il lui demanda « La bique, es-tu repue ?» Elle répondit « Je suis bourrée, rassasiée !» Rentrons donc, dit le jeune homme, et la prenant par sa longe, il la mena à l'étable, où il l'attacha solidement. Eh bien, dit le vieux tailleur, la chèvre a-t-elle tout ce qu'il lui faut ? Oh, dit le fils, elle est bourrée et rassasiée. Mais le père, voulant s'en assurer par lui-même, alla dans l'étable et se mit à caresser la chère bique en lui disant : Biquette, es-tu bien repue ? Elle répondit : Comment aurais-je pu manger ? Sur les tombeaux, je n'ai fait que sauter, sans voir un brin d'herbe abrouté. Qu'est-ce que j'entends ? S'écria le tailleur, et, sortant de l'étable, il apostropha son fils aîné. Ah, menteur! Tu m'as dit que la chèvre était rassasiée et tu l'as laissée jeûner. Dans sa colère, il prit son aune et le chassa en lui donnant de grands coups. Le lendemain, c'était le tour du second fils. Il chercha, le long de la haie du jardin, une place bien garnie de bonnes herbes, et la chèvre la tondit jusqu'au dernier brin. Le soir, quand il s'agit de rentrer, il lui demanda « La bique, es-tu repue ?» Elle répondit « Je suis bourrée, rassasiée !»« Mais... Rentrons donc, dit le jeune homme, et il la mena à l'étable, où il l'attacha solidement. « Eh bien, dit le vieux tailleur, la chèvre a-t-elle tout ce qu'il lui faut ?»« Oh, dit le fils, elle est bourrée et rassasiée. » Le tailleur, qui voulait voir les choses par lui-même, alla dans l'étable et demanda « Biquette, es-tu bien repue ?» Elle répondit « Comment aurais-je pu manger ? Sur les fossés, je n'ai fait que sauter, sans voir un brin d'herbe à brouter. » Le misérable ! S'écria le tailleur, laissez jeûner une si douce bête. » Et, à grands coups d'aune, il mit encore son second fils à la porte. Le lendemain, ce fut le tour du dernier fils, qui, pour bien faire les choses, chercha des taillis garnis de belles feuilles et mit la chèvre à brouter à même. Le soir, quand il s'agit de rentrer, il lui demanda « La bique, es-tu repue ?» Elle répondit « Je suis bourrée, rassasiée !»« Mais... Rentons donc, dit le jeune homme, et il la mena à l'étable où il l'attacha solidement. « Eh bien, dit le vieux tailleur, la chèvre a-t-elle tout ce qu'il lui faut ?»« Oh, dit le fils, elle est bourrée et rassasiée. » Mais le tailleur, qui n'avait plus de confiance, alla à l'étable et demanda « Biquette, es-tu bien repue ?» La méchante bête répondit « Comment aurais-je pu manger ? Parmi les champs, je n'ai fait que sauter, sans voir un brin d'herbe à brouter. » « Mais... L'engeance de menteur ! S'écria le père, aussi fourbe et aussi dénaturé les uns que les autres. Mais je ne serai plus leur dupe. » Et, hors de lui de colère, il rossa son dernier fils à grands coups d'aune si violemment que le jeune homme se souva à son tour de la maison. Le vieux tailleur restait désormais tout seul avec sa chèvre. Le lendemain, il alla dans l'étable et se mit à la caresser en disant « Viens, chère Biquette, je vais te mener paître moi-même. » Il la prit par sa longe et la conduisit le long des haies vertes, aux places où poussait l'herbe à mille feuilles et aux autres endroits qui plaisent aux chèvres. « Cette fois, lui dit-il, tu peux t'en donner à cœur joie. » Et il la laissa paître jusqu'au soir. Alors il lui demanda « La bique, es-tu repue ?» Elle répondit « Je suis bourrée, rassasiée. » Mais... Rentrons donc, dit le tailleur, et il la mena à l'étable où il l'attacha solidement. En sortant, il se retourna encore pour lui répéter « Cette fois, tu es bien repu. » Mais la chèvre ne le reçut pas mieux que les autres. Elle lui répondit « Comment aurais-je pu manger ? De tous les jours, je n'ai fait que sauter, sans voir un brin d'herbe à brouter. » Mais... Le tailleur, en entendant cela, fut bien surpris. Il reconnut qu'il avait chassé ses fils injustement. « Attends, dit-il, ingrate créature, ce serait trop peu de te chasser aussi. Je veux te marquer de telle sorte que tu n'oseras jamais te montrer devant d'honnêtes tailleurs. » Et en un instant, il saisit son rasoir, savonna la tête de la chèvre et la rasa nue comme la main. Et comme l'aune lui aurait fait trop d'honneur, il prit le fouet et lui en donna de telles cinglées qu'elle s'enfuit en faisant des sauts prodigieux. Le tailleur, se trouvant tout seul chez lui, tomba dans un grand chagrin. Il aurait bien voulu rappeler ses fils, mais personne ne savait ce qu'ils étaient devenus. L'aîné s'était mis en apprentissage chez un menuisier. Il apprit le métier avec ardeur, et, quand il eut atteint l'âge voulu pour faire sa tournée, son maître lui fit présent d'une petite table en bois, commun et sans apparence, mais douée d'une précieuse propriété. Quand on la posait devant soi et qu'on disait « Table, couvre-toi !» Elle se couvrait, à l'instant même, d'une jolie nappe en toile bien blanche, avec une assiette, un couteau et une fourchette, des plats remplis de mets de toutes sortes, et un grand verre plein d'un vin vermeil qui réjouissait le cœur. Le jeune compagnon se crut riche pour le reste de ses jours, et se mit à courir le monde à sa fantaisie, sans s'inquiéter si les auberges étaient bonnes ou mauvaises, et s'il y trouverait ou non de quoi dîner. et même, quand l'envie lui en prenait, il n'entrait nulle part, mais en plein champ, dans un bois, dans une prairie, il posait sa table devant lui, et en lui disant seulement « Couvre-toi !» il était servi au même moment. Il eut enfin l'idée de retourner chez son père, espérant qu'il trouverait sa colère apaisée et qu'avec la table merveilleuse, il serait bien reçu. Sur sa route, il entra un soir dans une auberge qui était pleine de voyageurs. Ils lui souhaitèrent la bienvenue et l'invitèrent à se mettre à table avec eux, parce qu'autrement ils auraient bien de la peine à trouver de quoi manger. « Non, répondit-il, je ne veux pas de votre écho, mais je vous invite à prendre part au mien. » Ils se mirent à rire, croyant qu'il voulait plaisanter. Cependant, il dressa sa table au milieu de la salle et dit « Table, couvre-toi !» Aussitôt, elle fut couverte de mets comme il n'en était jamais sorti de la cuisine de l'auberge et dont le fumet chatouillait agréablement l'odorat des convives. « Allons, messieurs » s'écria-t-il. « À table !» Voyant de quoi il s'agissait, ils ne se firent pas prier et, le couteau à la main, ils se mirent à fonctionner bravement. Ce qui les étonnait le plus, c'était qu'à mesure qu'un plat était vide, un autre tout plein le remplaçait à l'instant. L'hôte était dans un coin et voyait tout cela sans savoir qu'en penser. Seulement, il se disait qu'un pareil cuisinier lui serait fort utile dans son auberge. Le menuisier et sa compagnie passèrent joyeusement une partie de la nuit. À la fin, ils allèrent se coucher et le jeune homme, en se mettant au lit, posa près du mur sa table merveilleuse. Mais l'hôte avait des pensées qui l'empêchaient de dormir. Il se souvint qu'il y avait dans son grenier une vieille table toute pareille. Il alla la chercher, sans bruit, et la mit à la place de l'autre. Le lendemain, le menuisier, après avoir payé pour la nuit qu'il avait passée, prit la table sans s'apercevoir de la substitution et continua son chemin. À midi, il arriva chez son père, qui le reçut avec une grande joie. « Eh bien, mon cher fils, lui demanda-t-il, qu'as-tu appris ?»« L'état de menuisier, mon père. »« C'est un bon métier, répliqua le vieillard. « Mais qu'as-tu rapporté de ta tournée ?»« Père, la meilleure pièce de mon sac, c'est cette petite table. » Le tailleur la considéra de tous côtés et lui dit « Si c'est là ton chef-d'œuvre, il n'est pas magnifique, c'est un vieux meuble qui ne tient pas debout. »« Mais, répondit le fils, c'est une table magique. Quand je lui ordonne de se couvrir, elle se garnit des plats les plus excellents, avec du vin à réjouir le cœur. Allez inviter tous nos parents et amis à venir se régaler. La table les rassasiera tous. » Quand la compagnie fut réunie, il posa sa table au milieu de la chambre et lui dit « Table, couvre-toi !» Mais elle n'entendit pas ses ordres et resta vide comme une table ordinaire. Alors, le pauvre garçon s'aperçut qu'on l'avait changé et resta honteux comme un menteur pris sur le fait. Les parents se moquèrent de lui et s'en retournèrent chez eux sans avoir bu ni mangé. Le père reprit son aiguille et son dé et le fils se mit en condition chez un maître menuisier. Le second fils était entré en apprentissage chez un meunier. Quand il eut fini son temps, son maître lui dit « Pour te récompenser de ta bonne conduite, je veux te donner un âne. Il est d'une espèce particulière et ne supporte ni le bas ni l'attelage. »« À quoi donc est-il bon ?» demanda le jeune homme. « Il produit de l'or, » répondit le meunier. « Tu n'as qu'à le faire avancer sur un drap étendu et qu'à prononcer « Bric-le-Brit, la bonne bête te versera de l'or. » « Voilà un merveilleux animal !» dit le jeune homme. Il remercia son maître et se mit à courir le monde. Quand il avait besoin d'argent, il n'avait qu'à dire à son âne « Bric-le-Brit !» Les pièces d'or pleuvaient sans lui donner d'autre peine que celle de les ramasser. Partout où il allait, le meilleur n'était pas trop bon pour lui, et le plus cher était son lot, car il avait toujours la bourse pleine. Après avoir voyagé quelque temps, il pensa que la colère de son père devait être apaisée, qu'il pouvait l'aller retrouver et qu'avec son âne, il en serait bien reçu. Il entra dans la même auberge où son frère avait déjà perdu sa table. Il menait son âne en laisse. L'hôte voulut le prendre et l'attacher, mais le jeune homme lui dit « Ne vous donnez pas cette peine, je vais moi-même attacher mon grison à l'écurie, parce que je veux toujours savoir où il est. » L'hôte, assez surpris, supposait qu'un compagnon qui voulait soigner lui-même son âne n'allait pas faire grande dépense. Mais quand l'étranger, mettant la main à la poche, en eut tiré deux pièces d'or et lui eut recommandé de lui servir du bon, il ouvrit de grands yeux et se mit à chercher ce qu'il avait de meilleur. Après dîner, Le voyageur demanda ce qu'il devait. L'hôte n'épargna rien pour grossir la note et répondit qu'il lui fallait encore 2 pièces d'or. Le jeune homme fouilla à sa poche, mais elle était vide. « Attendez un instant, dit-il, je vais chercher de l'argent. » Et il sortit en prenant la nappe avec lui. L'hôte ne comprenait rien à ce que cela voulait dire, mais il était curieux. Il suivit le voyageur et, quand celui-ci eut verrouillé derrière lui la porte de l'écurie, il regarda par une fente. L'étranger étendit la nappe sous l'âne, prononça « bric-le-brit » et aussitôt la bête fit tomber de l'or. Il en pleuvait. « Malpeste !» se dit l'hôte, « des ducats tout neufs. Un pareil trésor n'est pas pour faire tort à son maître. » Le jeune homme paya sa dépense et alla se coucher. Mais l'aubergiste, se glissant la nuit dans l'écurie, enleva le grison qui battait monnaie et en mit un autre à sa place. Le lendemain matin, le jeune homme prit l'âne et se remit en route, croyant bien que c'était sa bête magique. À midi, il arriva chez son père, qui se réjouit de le revoir et le reçut à bras ouverts. « Qu'es-tu devenu, mon fils ? » demanda le vieillard. « Je suis meunier, cher père, » répondit-il. « Que rapportes-tu de ta tournée ? » « Rien qu'un âne. »« Il y a bien assez d'ânes chez nous, » dit le père. « Tu aurais mieux fait de nous ramener une bonne chèvre. » « Mais, » reprit le fils, « ce n'est pas une bête comme les autres. C'est un âne magique. Je n'ai qu'à dire « bric-le-brit » et aussitôt il en tombe des pièces d'or, de quoi remplir un drap. Faites venir tous nos parents, je vais les enrichir tous d'un seul coup. « Voilà qui me plaît, » dit le tailleur, « je ne me fatiguerai plus à tirer l'aiguille. » Et il alla bien vite chercher toute sa parenté. Dès qu'ils furent réunis, le meunier se fit faire place, étendit un drap et amena son âne au-dessus. « Maintenant, » dit-il, « attention, bric-le-brit !» Mais la bête n'entendait rien à la magie, et les pièces d'or ne tombèrent pas. Le pauvre meunier vit qu'on l'avait volé, et faisant bien triste mine, il demanda pardon à ses parents, qui s'en retournèrent chez eux aussi gueux qu'ils étaient venus. Son père fut obligé de reprendre son aiguille. Pour lui, il se plaça comme domestique dans un moulin. Le troisième frère s'était mis en apprentissage chez un tourneur, et comme le métier est difficile, il y resta plus longtemps que ses deux aînés. Ils lui mandèrent dans une lettre les malheurs qui leur étaient arrivés, et comment l'aubergiste leur avait volé les dons magiques dont ils étaient possesseurs. Quand le tourneur eut fini son apprentissage, et que le temps de voyager fut venu, son maître, pour le récompenser de sa bonne conduite, lui donna un sac dans lequel il y avait un gros bâton. « Le sac peut bien me servir, dit-il, je le mettrai sur mes épaules, mais à quoi bon ce bâton? Il ne fait que l'alourdir. » « Je vais t'apprendre son usage, » répondit le maître. « Si quelques gens te font du mal, tu n'as qu'à dire ces mots. Bâton hors du sac. Aussitôt le bâton leur sautera aux épaules et les travaillera si vigoureusement que 8 jours ils ne pourront plus remuer. Le jeu ne cessera que quand tu auras dit « bâton dans le sac. » Le compagnon remercia son maître et se mit en route avec le sac. Si quelqu'un l'approchait de trop près et voulait le toucher, il n'avait qu'à dire « bâton hors du sac. » Aussitôt le gourdin de battre les habits des gens sans qu'ils eussent le temps de les ôter. Et le tour se faisait si vite que chacun y passait avant d'avoir vu par où. Un soir, il arriva à l'auberge où ses frères avaient été dépouillés. Il posa son havre-sac devant lui sur la table et se mit à raconter tout ce qu'il avait vu de curieux dans le monde. « Oui, disait-il, on trouve des tables qui servent toutes seules à dîner. » Des ânes qui font de l'or et autres semblables belles choses que je suis loin de mépriser. Mais tout cela n'est rien à côté du trésor que je porte dans mon sac. L'hôte dressa les oreilles. « Qu'est-ce que cela peut être ? » pensait-il. « Sans doute son sac est plein de pierres précieuses. Je voudrais bien le réunir à l'âne et à la table, car toutes les bonnes choses vont par 3. » Lorsqu'on se coucha, le jeune homme s'étendit sur un banc et mit son sac sous sa tête en guise d'oreiller. Quand l'aubergiste le crut bien endormi, il s'approcha de lui tout doucement et se mit à tirer légèrement sur le sac pour essayer s'il pourrait l'enlever et en mettre un autre à la place. Mais le tourneur le guettait depuis longtemps, et au moment où le voleur donnait une forte secousse, il s'écria « Bâton, hors du sac !» et aussitôt le bâton de sauter au dos du fripon et de rabattre comme il faut les coutures de son habit. Le malheureux demandait pardon, miséricorde, mais plus il criait, plus le bâton lui daubait les épaules, si bien qu'enfin il tomba épuisé par terre. Alors le tourneur lui dit « Si tu ne me rends pas un instant la table et l'âne, la danse va recommencer. »« Oh non !» s'écria l'hôte d'une voix faible. « Je rendrai tout. Fais seulement rentrer dans le sac ce diable maudit. »« Ce serait pourtant justice de recommencer, » dit le compagnon. « Mais je te fais grâce si tu t'exécutes. » Puis il ajouta « Bâton dans le sac !» et le laissa en repos. Le tourneur arriva le lendemain chez son père avec la table et l'âne. Le tailleur se réjouit de le revoir et lui demanda ce qu'il avait appris. « Cher père, répondit-il, je suis devenu tourneur. »« Bel état, dit le père, et qu'as-tu rapporté de tes voyages ?»« Une belle pièce, cher père, un bâton dans un sac. »« Un bâton !» s'écria le père, « c'était bien la peine. Il y en a assez dans tous les bois. » « Mais pas comme le mien, cher père. Quand je lui dis « bâton, hors du sac !» il s'élance sur ceux qui me veulent du mal et les rosse jusqu'à ce qu'ils en tombent par terre, en criant grâce. Avec ce gourdin-là, voyez-vous, j'ai recouvré la table et l'âne que ce voleur d'hôte avait dérobé à mes frères. Faites-les venir tous les deux et allez inviter tous nos parents. Je veux les régaler et remplir leurs poches. » Le vieux tailleur alla chercher les parents, bien qu'il n'eût plus grande confiance. Le tourneur étendit un drap dans la chambre, y amena l'âne et invita son frère à prononcer les paroles sacramentelles. Le meunier dit « Bric le brit !» et aussitôt les pièces d'or de tomber dru comme grêle, et la pluie ne cessa que quand chacun en eut plus qu'il n'en pouvait porter. Vous auriez bien voulu être là, ami lecteur. Ensuite, le tourneur prit la table et dit à son frère le menuisier « À ton tour maintenant !» À peine celui-ci eut-il prononcé « Table, couvre-toi » qu'elle fut servie et couverte des plats les plus appétissants. Il y eut alors un festin comme jamais le vieillard n'en avait vu dans sa maison, et toute la compagnie resta réunie et en fête jusqu'à la nuit. Le tailleur serra précieusement dans une armoire son aiguille, son dé, son aune et son carreau, et vécut en paix et en joie avec ses trois fils. Mais qu'était devenue la chèvre ? Qu'était cause que le tailleur avait chassé ses trois fils de chez lui? Je vais vous le conter. Comme elle était honteuse, de sa tête pelée, elle courut se cacher dans un terrier de renards. Le renard, en rentrant chez lui, aperçut dans l'obscurité deux grands yeux qui étincelaient comme des charbons ardents. La peur le prit et il s'enfuit. L'ours qui le rencontra, voyant son trouble, lui dit « Qu'y a-t-il donc, frère renard? D'où te vient cet air effaré ?» « Ah !» répondit l'autre, « il y a au fond de mon terrier un monstre épouvantable qui m'a regardé avec des yeux enflammés. »« Nous l'aurons bientôt chassé, » dit l'ours, et il alla aussi regarder au fond du terrier. Mais quand il eut vu ses terribles yeux, la peur le gagna aussi, et pour éviter d'avoir affaire au monstre, il s'enfuit au plus vite. L'abeille le rencontra, et s'apercevant qu'il n'avait pas l'air trop rassuré dans sa peau, elle lui dit « Hé, compère, tu fais bien triste mine. Qu'est devenue cette gaieté ?»« C'est bien dit, » répondit l'ours, « mais il y a dans le terrier du renard un monstre au regard terrible que nous ne pouvons faire déloger. » L'abeille répliqua, « Tu me fais pitié, grand sire. Je ne suis qu'une faible créature que tu ne daignes pas regarder sur ton chemin. Mais cependant, je crois que je pourrais t'être utile. » Elle vola dans le terrier, se posa sur la tête rasée de la chèvre et la piqua si fortement que la bique ne put s'empêcher de crier « Mais, mais !» et de s'élancer dans le bois comme une frénétique. Et depuis ce temps-là, personne ne sait ce qu'elle est devenue. Fin de « La table, l'âne et le bâton merveilleux » par Jacob et Wilhelm Grimm. Petit frère et petite sœur par Jacob et Wilhelm Grimm. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Caroline Sophie. Petit frère et petite sœur par Jacob et Wilhelm Grimm. Petit frère prit petite sœur par la main et lui dit « Depuis que notre mère est morte, nous n'avons plus une heure de bon temps. Notre belle-mère nous bat tous les jours et, si nous nous approchons d'elle, elle nous repousse à coups de pied. Les croûtes de pain dur qui restent sont notre nourriture et le petit chien sous la table est mieux traité que nous. On lui jette de temps en temps, à lui, quelques bons morceaux. Que Dieu ait pitié de nous, si notre mère le savait. Viens, nous essayerons tous les deux de courir le monde. » Ils marchèrent tous les jours, à travers les prés, les champs et les pierres, et, quand il pleuvait, la petite sœur disait « Le bon Dieu et nos pauvres cœurs pleurent ensemble. » Le soir, ils arrivèrent à une grande forêt. Ils étaient si épuisés par le chagrin, la faim et une longue route qu'ils s'abritèrent dans le creux d'un arbre et s'endormirent. Le lendemain, quand ils se réveillèrent, le soleil était déjà très haut dans le ciel et échauffait de ses rayons le dedans de l'arbre. Le petit frère dit alors « Petite sœur, j'ai soif. Si je connaissais une source, j'irais m'y désaltérer. Il m'a semblé que j'en avais entendu murmurer une. » Le petit frère se leva, prit sa petite sœur par la main et ils se mirent à chercher la source. Mais la méchante belle-mère était sorcière. Elle avait bien vu les deux enfants se mettre en chemin. Elle s'était glissée sur leurs traces en cachette, comme font les sorcières, et avait jeté un sort sur toutes les sources de la forêt. Comme il venait de trouver une source qui coulait, limpide, sur des cailloux, le petit frère voulut y boire, mais la petite sœur entendit la source qui disait en murmurant « Celui qui boit de mon eau est changé en tigre, celui qui boit de mon eau est changé en tigre. » La sœur lui dit « Je t'en prie, petit frère, ne bois pas, autrement tu deviendrais tigre et tu me mettrais en pièces. » Le petit frère ne but pas, quoiqu'il eût grand soif, et dit « J'attendrai jusqu'à la prochaine source. » Quand ils arrivèrent à la seconde fontaine, la petite sœur entendit que celle-ci disait « Celui qui boit de mon eau est changé en loup, celui qui boit de mon eau est changé en loup. » La petite sœur lui dit « Petit frère, je t'en prie, ne bois pas. Autrement, tu serais changé en loup, et tu me mangerais. » Le petit frère ne but pas et dit « J'attendrai jusqu'à ce que nous arrivions à la source prochaine. Mais alors, je boirai, quoi que tu puisses me dire. Je suis trop dévoré par la soif. » Quand ils arrivèrent à la troisième fontaine, la petite sœur entendit qu'elle murmurait ces mots « Celui qui boit de mon eau est changé en chevreuil. » La petite sœur lui dit « Ah, petit frère, je t'en prie, ne bois pas. Autrement, tu seras changé en chevreuil, et tu t'enfuiras loin de moi. » Mais le petit frère s'était déjà agenouillé près de la fontaine, penché vers le bassin et abreuvé de son eau. À peine les premières gouttes avaient touché ses lèvres qu'il était transformé en chevreuil. La petite sœur se mit à pleurer sur son pauvre petit frère ensorcelé, et le chevreuil pleurait aussi et restait tout triste auprès d'elle. Enfin, la jeune fille lui dit « Sois tranquille, mon cher petit chevreuil, je ne t'abandonnerai jamais. » Alors, elle détacha sa jarretière dorée et la passa autour du cou du chevreuil, puis elle arracha des joncs et en tressa une cordelette. Elle y attacha l'animal, l'emmena et s'enfonça avec lui dans la forêt. Après avoir marché longtemps, ils arrivèrent enfin à une petite maison, et la jeune fille, ayant regardé au-dedans et reconnu qu'elle était vide, dit « Nous pourrions nous arrêter ici et y demeurer. » Alors, elle chercha pour le petit chevreuil de l'ombre et de la mousse, afin qu'il pût reposer mollement, et chaque matin elle sortait, recueillait des racines, des fruits sauvages et des noix. Elle rapportait aussi de l'herbe fraîche que le chevreuil mangeait dans sa main, et il était content et bondissait joyeusement devant elle. Le soir, quand la petite sœur était fatiguée et avait récité sa prière, elle posait sa tête sur le dos du petit chevreuil qui lui servait de coussin et s'y endormait doucement. Si seulement le petit frère avait eu sa forme humaine, ça aurait été là une vie très heureuse. Ils passèrent ainsi quelque temps tout seuls dans ce lieu désert, mais un jour il arriva que le roi du pays fit une grande chasse dans la forêt. Tout retentit des sons du cor, des aboiements des chiens et des cris joyeux des chasseurs. Le chevreuil entendit tout ce bruit, il aurait bien voulu se trouver là. « Ah ! » dit-il à sa sœur, « laisse-moi me rapprocher de la chasse, je n'y puis résister. » Et il la pria si longtemps qu'elle céda. « Mais, lui dit-elle, ne manque pas de revenir le soir. Je fermerai ma porte à ces bruyants chasseurs. Pour que je puisse te reconnaître, frappe en disant « C'est moi, chère sœur, Ouvre, mon petit cœur. Si tu ne dis pas cela, je n'ouvrirai point ma petite porte. » Le chevreuil s'élança hors du logis, tout content et joyeux de se sentir en plein air. Le roi et ses chasseurs virent le bel animal et se mirent à sa poursuite, mais sans pouvoir l'atteindre, quand il se croyait tout près de le tenir, il sauta par-dessus un buisson et disparut. Quand il ne fit plus clair, il courut à la maison et frappa en disant « C'est moi, chère sœur, ouvre, mon petit cœur !» La petite porte s'ouvrit, il s'élança dans la maison et reposa toute la nuit sur sa couche moelleuse. Le lendemain matin, la chasse se recommença, et quand le chevreuil entendit de nouveau le son du cor et le taillot des chasseurs, il n'eut plus de repos et dit « Petite sœur, ouvre-moi, il faut que je sorte !» La petite sœur lui ouvrit la porte en disant « Ce soir, au moins, ne manque pas de revenir et de dire le mot convenu. » Quand le roi et ses chasseurs revirent le chevreuil avec son collier doré, ils le chassèrent tous, mais il était trop leste et trop agile pour se laisser atteindre. Enfin, pourtant, les chasseurs l'avaient cerné vers le soir, et l'un d'eux le blessa légèrement au pied, si bien qu'il boitait et qu'il s'échappa assez lentement. Un chasseur se glissa sur sa trace jusqu'à la petite maison. Il l'entendit comme il disait « C'est moi, chère sœur, ouvre-moi mon petit cœur !» et vit qu'on lui ouvrait la porte et qu'on la refermait aussitôt. Le chasseur retint fidèlement tout ça, se rendit près du roi et lui conta ce qu'il avait vu et entendu. Le roi dit « Demain, nous chasserons encore. » La petite sœur avait été très effrayée quand elle avait vu le chevreuil revenir blessé. Elle essuya le sang de sa plaie, y appliqua des simples et lui dit « Va reposer sur ta couche, cher petit chevreuil, pour te guérir. » Mais la blessure était si légère que le lendemain, le chevreuil ne se sentait plus de rien. Et quand il entendit encore le bruit de la chasse dans la forêt, il dit « Je n'y puis plus tenir, il faut que je sois là, on ne me prendra plus si aisément. » La petite sœur pleura et lui dit « Cette fois, ils te tueront, je ne te laisserai pas sortir. Je mourrai de chagrin ici, si tu me retiens, » répondit-il. « Quand j'entends le cor de chasse, il me semble que les pieds me brûlent. » La petite sœur ne put résister. Le cœur gros, elle lui ouvrit la porte, et le chevreuil s'élança dispos et joyeux dans la forêt. Quand le roi l'aperçut, il dit à ses chasseurs « Poursuivez-le tout le jour, jusqu'à la nuit, mais que personne ne lui fasse de mal. » Quand le soleil fut couché, le roi dit aux chasseurs « Viens avec moi et montre-moi la maison dont tu m'as parlé. » Quand il fut arrivé à la porte, il frappa et dit « C'est moi, chère sœur. « Ouvre-moi, mon petit cœur !» La porte s'ouvrit, le roi entra, et devant lui, il trouva une jeune fille, la plus belle qu'il eut jamais rencontrée. La jeune fille eut peur quand elle vit qu'au lieu du petit chevreuil, c'était un roi qui entrait avec une couronne d'or sur la tête. Mais le roi la regarda avec douceur, lui présenta la main et lui dit « Veux-tu venir avec moi dans mon palais et être ma femme bien-aimée ? Oh oui !» répondit la jeune fille, « mais il faut que le chevreuil vienne avec moi, je ne peux pas l'abandonner. » Le roi dit, « il restera près de toi tant que tu vivras, et il ne manquera de rien. » En ce moment, le chevreuil entra en bondissant. La petite sœur l'attacha à sa corde de jonc, prit la corde dans sa main et sortit avec lui de la maison. Le roi emmena la belle jeune fille dans son palais où la noce fut célébrée avec une grande magnificence. Et alors ce fut Sa Majesté la Reine, et ils vécurent longtemps heureux ensemble. Le chevreuil était soigné et choyé, et prenait ses ébats dans le jardin du palais. Cependant, la méchante belle-mère, qui avait été cause que les deux enfants avaient quitté la maison paternelle, s'imaginait qu'infailliblement la petite sœur avait été dévorée par les bêtes sauvages de la forêt, et que le petit frère changé en chevreuil avait été tué par les chasseurs. Quand elle apprit qu'ils étaient si heureux et en si grande prospérité, l'envie et la haine se réveillèrent dans son cœur pour l'agiter et l'inquiéter, et elle n'eut plus d'autre souci que de trouver moyen de les replonger tous deux dans le malheur. Sa véritable fille, qui était laide comme les ténèbres et n'avait qu'un œil, lui faisait des reproches et lui disait « Devenir reine, ce bonheur-là m'appartient, à moi !»« Sois tranquille, » dit la vieille, cherchant à l'apaiser. « Quand il en sera temps, tu me trouveras prête à te servir. » En effet, quand le moment fut venu où la reine avait mis au monde un beau petit garçon, comme le roi se trouvait justement à la chasse, la vieille sorcière prit la figure de la femme de chambre, entra dans la chambre où la reine était couchée et lui dit « Venez, votre bain est prêt, il vous fera du bien et vous fortifiera, vite, avant qu'il se refroidisse. » Sa fille l'accompagnait, elles portèrent toutes deux la reine convalescente dans l'étuve, l'y déposèrent, puis se sauvèrent en toute hâte et fermèrent la porte. Elles avaient eu soin d'allumer dans l'étuve un véritable feu d'enfer, afin que la belle jeune reine fût promptement étouffée. Quand cela fut fait, la vieille prit sa fille, lui mit un bonnet sur la tête et la coucha dans le lit de la reine à sa place. Elle lui donna aussi la forme et les traits de la reine, seulement elle ne put lui rendre l'œil qu'elle avait perdu. Mais, pour que le roi ne le remarquât point, elle devait rester couchée sur le côté où elle était borgne. Le soir, quand le roi revint de la chasse et apprit qu'il lui était né un fils, il se réjouit de tout son cœur et voulut aller près du lit de sa chère femme pour voir comment elle se trouvait. Mais la vieille lui dit bien vite « Pour Dieu, n'ouvrez pas les rideaux. La reine ne peut pas encore voir la lumière. Elle a besoin de repos. » Le roi s'en retourna, ne se doutant point qu'une fausse reine était couchée dans son lit. Mais quand minuit fut venu, comme tout le monde dormait, la nourrice, qui était dans la chambre de l'enfant près de son berceau et qui veillait toute seule, vit la porte s'ouvrir et la véritable mère entrer. Elle prit l'enfant dans le berceau, le posa sur son bras et lui donna à boire. Puis elle remua son coussin, replaça l'enfant et étendit sur lui la couverture. Elle n'oublia pas non plus le petit chevreuil. Elle s'approcha du coin où il reposait et lui caressa le dos avec la main. Puis elle sortit sans dire un mot, et le lendemain, quand la nourrice demanda aux gardes si quelqu'un était entré dans le palais pendant la nuit, ils répondirent « Non, nous n'avons vu personne. » Elle vint ainsi plusieurs nuits, sans jamais prononcer une parole. La nourrice la voyait toujours, mais n'osait pas en parler. Au bout de quelque temps, la mère commença à parler dans la nuit, et elle dit « Que fait mon enfant? Que fait mon chevreuil? Je reviendrai encore deux fois et ne reviendrai plus. » La nourrice ne lui répondit pas, mais quand elle fut disparue, elle courut vers le roi et lui raconta tout. Le roi dit « Bon Dieu, qu'est-ce que cela? Je veux veiller la nuit prochaine près de l'enfant. » En effet, il se rendit le soir dans la chambre de l'enfant et, vers minuit, la mère apparut et dit « Que fait mon enfant? Que fait mon chevreuil? Je reviendrai encore une fois et ne reviendrai plus. » Puis elle s'occupa de l'enfant comme elle faisait d'ordinaire et disparut. Le roi n'osa pas lui adresser la parole, mais la nuit suivante, il veilla encore. La reine dit « Que fait mon enfant? Que fait mon chevreuil? Je reviens cette fois encore et ne reviendrai plus. » Alors le roi ne put se contenir. Il s'élança vers elle et lui dit « Tu ne peux être une autre que ma femme chérie. » « Oui, répondit-elle, je suis ta femme chérie. » Et au même moment, par la grâce de Dieu, elle avait recouvré la vie et était fraîche, rose et bien portante. Elle raconta au roi le crime qu'avait commis contre elle la méchante sorcière et sa fille. Le roi les fit paraître devant le tribunal et elles furent condamnées. La fille fut conduite dans une forêt où les bêtes sauvages la mirent en pièces. La sorcière monta sur un bûcher et périt misérablement dans les flammes. Comme le feu la consumait, le chevreuil fut métamorphosé et reprit sa forme naturelle, et le petit frère et la petite sœur vécurent heureux ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Fin de Petit frère et petite sœur par Jacob et Wilhelm Grimm. La Dame Holley par Jacob et Wilhelm Grimm. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Caroline Sophie, La Dame Holley, par Jacob et Wilhelm Grimm. Une veuve avait deux filles, l'une belle et active, l'autre laide et paresseuse. Mais elle aimait bien plus la fillette paresseuse et laide comme étant sa propre fille que l'autre qui devait faire tout l'ouvrage et qui était la cendrillon du logis. La pauvre enfant devait se mettre tous les jours sur la grande route, près d'un puits, et filer sans relâche, au point que le sang lui coulait des doigts. Il arriva qu'une fois, comme sa quenouille était couverte de sang et qu'elle se penchait pour se laver, celle-ci lui glissa de la main et tomba au fond du puits. La pauvrette fondit en larmes et courut chez sa belle-mère à qui elle conta son malheur. Mais cette femme la gronda rudement et se montra sans pitié. Enfin, elle lui dit « Si tu as laissé tomber ta quenouille, va la chercher. » La jeune fille s'en retourna donc auprès du puits, mais elle ne savait que faire, et dans son angoisse, elle sauta par-dessus le bord pour chercher la quenouille. Lorsqu'elle revint à elle après le premier étourdissement, elle se vit sur une belle prairie où il faisait un beau soleil et où il y avait des milliers de fleurs. Elle traversa la prairie et arriva près d'un four qui était rempli de pain, et le pain criait « Ah ! Retire-moi ! Retire-moi ! Autrement, je brûlerai, car il y a longtemps que je suis cuit !» Vite, elle se mit au travail et retira tout. Puis elle continua son chemin, trouva un pommier chargé de pommes, et il criait « Ah ! Secoue-moi ! Secoue-moi ! Mes pommes sont mûres !» Alors elle secoua l'arbre, et les pommes tombèrent comme grêles, jusqu'à ce qu'il n'y en eût plus une. Puis elle s'en alla. Enfin, elle rencontra une petite maison, d'où semblait la guetter une vieille femme. Mais comme celle-ci avait de longues dents, elle eut peur, et voulut se sauver. La vieille femme lui dit alors « Ne crains rien, cher enfant, reste chez moi, et si tu veux faire avec soin tout l'ouvrage de la maison, tu auras du bon temps. Mais il faut prendre garde de bien secouer mon édredon jusqu'à ce que les plumes s'envolent. Alors il neige par le monde, car je suis la dame au lait. » La vieille parlait si doucement que la jeune fille accepta d'entrer à son service. Elle faisait tout à souhait et secouait toujours l'édredon de toutes ses forces. Mais aussi avait-elle une vie des plus agréables, point de mauvaises paroles, et chaque jour de la friture et du rôti. Il y avait déjà quelque temps qu'elle était chez la dame Holley, lorsqu'elle devint triste jusqu'au fond du cœur, et quoiqu'elle fût mille fois mieux là que dans la maison de sa belle-mère, elle mourait d'envie de revoir son ancien logis. Enfin, elle dit à la vieille « J'ai lu mal du pays, et si bien que je me trouve ici, je ne puis y rester plus longtemps. » La dame Holley lui répondit « Il me plaît que tu désires retourner chez toi, et, puisque tu m'as servi fidèlement, je veux t'y ramener moi-même. » Puis, elle la prit par la main pour la conduire sous une grande porte qui s'ouvrit, et lorsque la jeune fille fut juste au-dessous, une pluie d'or abondante en tomba, et l'or resta attaché à elle, de sorte qu'elle en était couverte entièrement. « Tu auras cela parce que tu as été appliquée, » dit la dame Holley, et elle lui donna aussi la quenouille qui était tombée dans le puits. Ensuite, la porte se referma, et la jeune fille se trouva de nouveau sur la terre, près de la maison maternelle. Et quand elle entra dans la cour, le coq était perché sur la margelle du puits et chantait « Kikeriki, kikeriki, notre Vierge d'or est ici !» Alors, elle s'en fut chez sa mère, et comme elle arrivait couverte d'or, elle se trouva la bienvenue. Quand la mère eut appris comment cette richesse lui était échue, elle voulut procurer le même bonheur à sa laide et paresseuse fille. Il fallut qu'elle se mît aussi à filer auprès du puits, et pour que la quenouille fût ensanglantée, elle se piqua le doigt et s'égratigna la main aux épines de la haie. Puis elle jeta la quenouille dans le puits et sauta elle-même après elle. Comme sa sœur, elle arriva à la belle prairie et prit les mêmes chemins. Lorsqu'elle atteignit le four, le pain criait « Oh ! Retire-moi ! Retire-moi ! Autrement, je brûlerai, car il y a longtemps que je suis cuit !» La paresseuse répondit « Je n'ai pas envie de me salir !» Et elle continua sa route. Bientôt, elle trouva le pommier qui s'écria « Oh ! Secoue-moi ! Secoue-moi ! Mes pommes sont toutes mûres !» Elle dit « Oui, n'est-ce pas ? Pour qu'une pomme me tombe sur la tête !» Et elle s'en alla plus loin. En arrivant devant le logis de la dame Holley, elle n'eut pas peur, car elle avait déjà entendu parler de ses grandes dents, et s'y mit tout de suite en service. Le premier jour, elle se contraignit à être appliquée et fit tout comme le lui disait la dame Holley, car elle pensait à l'or qui lui en reviendrait. Le second jour, elle commença à faire la paresseuse. Le troisième, ce fut encore pis. Elle ne voulait plus se lever de bon matin, faisait fort mal le lit de la dame Holley et ne le secouait pas pour en faire voler les plumes. La dame Holley fut bientôt fatiguée d'elle et lui donna son congé. La paresseuse en fut ravie, pensant que la pluie d'or allait venir à présent. La bonne dame la conduisit comme l'autre sous la grande porte, et quand elle se trouva juste au-dessous, au lieu de l'or qu'elle attendait, un chaudron de poix lui fut versé sur la tête. « Tu as maintenant la récompense de tes services ?» dit la dame Olé en fermant la porte. C'est ainsi que la paresseuse s'en retourna toute couverte de poix, et quand le coq, perché sur le puits, l'eut aperçu, il chanta « Kikeriki, kikeriki, notre enfant malpropre est ici !» La poix ne voulut jamais s'en aller, et la paresseuse fut obligée de la garder aussi longtemps qu'elle eût vécu. Fin de La Dame Olé par Jacob et Wilhelm Grimm. Fin des contes et histoires préférées des enfants, volume 1.